14e séance, je ne sais plus. Le but de l'atelier, ouais, c'est la 13e, d'accord. Le but de l'atelier, en fait, c'est de travailler ensemble sur donc une société idéale. On a gardé le côté utopique. En fait, le but, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, vous, passant de République, habitué ou pas, de Nuit Debout, ou peu importe, de tous bords. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues se joindre à nous. Et au départ, en fait, c'était un peu parole libre. Oh, peu de respect. Et du coup, en fait, il y a plein d'idées qui sont sorties. Et aujourd'hui, donc, on travaille sur le gouvernement, c'est ça? Toujours? Très bien. Ça fait la. Voilà, c'est les points donc qu'on va développer. Ça fait le troisième atelier, donc voilà, qu'on parle de gouvernement. Donc, n'hésitez pas à participer, à lever la main, à proposer vos idées ou à développer, voilà, lui présenter des expériences qui peuvent être constructives dans cette partie gouvernement. Je vais lire le CR du coup. Ou quelqu'un veut lire? Bon, je vais lire. J'adore, c'est mon exercice préféré. Alors, type de gouvernement. Donc, le premier point, c'est citoyen tiré au sort pour des assemblées constituantes. Mandat impératif, révocable, non cumulable, non renouvelable, aucune immunité parlementaire si l'on veut garder des représentants. Choix qui serait fait au sortir des débats lors des assemblées constituantes pour réécrire la Constitution. Processus qui pourrait durer 2 ans. Une nécessité que ces assemblées constituantes aient une légitimité qui ne puisse être remise en cause à la fin du processus en fonction du contexte politique ou économique ou autre. Combien de citoyens pour participer? De quelle façon? Donc le premier point, voilà, c'est sur les assemblées constituantes. Ensuite, quel type de gouvernement? Au lieu d'un gouvernement vertical et mené par une politique partisane pendant 5 ans, plus on irait plus vers une autonomie des ministères, avec pas de président, donc pas de présidentiel, ni de choix présidentiel des ministres. Pour chaque ministère, tous les 5 ans, voter un programme sans représentant parmi plusieurs, proposé par des groupes de travail avec experts universitaires citoyens. Ce serait la seule forme de vote qui resterait de notre système de vote actuel. Donc on vote plus sur des idées et plus sur des personnes. Une fois le programme voté à la majorité, tirage au sort de ceux qui auront pour tâche de l'appliquer pendant ces 5 ans parmi les volontaires. On peut être volontaire pour le ministère dans lequel on a envie de s'impliquer particulièrement. Pour que ce tirage au sort soit représentatif, il devra respecter la parité homme-femme, l'égalité des territoires, citoyens issus de chaque département, la mixité sociale et professionnelle et toutes les tranches d'âge de 20 à... Bah, en fait, pas d'âge. Il y aurait un travail de convergence nécessaire et probablement très intéressant entre chaque ministère pour que les politiques adoptées fonctionnent ensemble. Une fois qu'on a tiré au sort, peut-on être à nouveau volontaire pour le même ministère? C'est une question. Salaire pendant le mandat, frais de déplacement et hébergement remboursés. Donc salaire uniquement pendant le mandat. Point d'interrogation? Je sais pas. Bref, ça peut être. Voilà. Combien? 1 euro. Non, bref, donc c'est au débat. Transparence totale pour le vote, la gestion des budgets, les salaires, pas de conflit d'intérêts, les frais engagés pour les citoyens mandatés. Un conseil constitutionnel citoyen tiré au sort veillera à ce que les lois débattues et votées dans chaque ministère soient conformes à la Constitution, qui aura été réécrite au préalable, et dans laquelle figurera en préambule. Toute action des ministères vise l'amélioration de la condition de chacun et chacune et la préservation des biens communs. Ce sera un contrôle par les citoyens pour chaque loi. Un conseil constitutionnel citoyen se réunit, tirage au sort d'une centaine de personnes aussi représentatives par rapport au sexe, âge, territoire, socio-professionnel, catégorie socio-professionnelle. Pendant une semaine, pour définir si cette loi est conforme à la Constitution. Rémunération des frais de transport, hébergement et de la perte salariale. Putain, j'ai l'impression d'être un DRH tout d'un coup, c'est bizarre. Éducation politique. Un gouvernement a pour fonction principale de répondre aux besoins des citoyens en régulant les échanges au service du peuple. Arrêter la professionnalisation de la politique, arrêter les grandes écoles, supprimer l'ENA où nous formons des archaïques technocratiques qui produisent déjà des liens, amitié et intérêt. Les remplacer par de l'éducation populaire, une part d'éducation à la gouvernance dans les écoles, études critiques et histoire de la Constitution, et des rencontres d'informations sur les programmes en cours d'élaboration avant les votes. Pardon. Question, comment favoriser les liens et partage de savoir entre citoyens et experts? Ce serait la seule fonction des médias avec la diffusion des informations. Ensuite, assemblée participative au niveau des communes. Gestion du budget, projet. Budget participatif, toutes les décisions budgétaires par secteur sont soumises à un vote citoyen et les dépenses sont transparentes. Création de mairies communautaires, chacun et chacune s'investit dans les projets en fonction de son temps, de ses moyens et de ce qui l'intéresse. Peut-on avoir le même système qu'au niveau national? Il y aurait un budget qui vient des décisions nationales, un ministère redistribution des territoires, okay. Et un budget qui vient des pots communs en fonction des projets votés. Séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, comment? Délimiter le champ du marchandage, ce qui peut être commercialisable, et le champ du sacré constitutionnel inaliénable. Voilà. Donc, comme vous l'entendez, c'est très riche, très utopique, mais c'est le but. Enfin, quoi que c'est peut-être le truc le moins utopique qu'on ait fait d'ici là, parce que là, pour on rentre vraiment dans la précision, parce que le gouvernement fait parler. Voilà. Même celui imaginaire de la société idéale, il fait beaucoup parler. Donc, qu'est-ce que quelqu'un veut commencer sur ça? Alors, le premier point, je vais le rappeler. Donc, c'est les citoyens tirés au sort pour des assemblées constituantes. Donc, on avait dit mandat impératif, révocable, non cumulable. Pas d'immunité parlementaire. Processus qui pourrait durer 2 ans. Donc, est-ce qu'on fait 2 ans? Est-ce qu'on fait plus longtemps? Question de légitimité. Combien de citoyens et de quelle façon? Voilà, donc si quelqu'un veut réagir sur les assemblées constituantes, n'hésitez pas. Ok. Oui, combien de citoyens? Parce que forcément, enfin, tout le monde ne pourrait pas participer à ces assemblées constituantes. Tout le monde ne voudrait peut-être pas forcément participer. Donc ça repose la question sur est-ce que c'est un tirage au sort parmi toute la population? Est-ce que c'est des volontaires? Est-ce que du coup on mêle des experts et des citoyens, c'est-à-dire des citoyens lambda, mais enfin des non-experts plutôt? Est-ce qu'on pioche du coup dans différentes, comme c'est dit, voilà, dans différentes professions? Je pense que ça pourrait être, tout à l'heure on parlait du numérique, mis en place assez facilement en fait, de que les citoyens tirés au sort soient représentatifs, voilà, par rapport au territoire, par rapport aux catégories socio-professionnelles, etc. Donc voilà, la question qui est posée, c'est combien est-ce qu'il faudrait qu'il y ait de citoyens qui bossent là-dessus? Alors après, on peut imaginer un petit peu qu'il y ait différents groupes qui soient créés, je sais pas moi, dans 15 endroits, 20 endroits de France, où du coup il y a un débat sur toute la Constitution et qu'après le travail de chacun soit regroupé sur, je sais pas, il y a quelqu'un qui sera le porte-parole par exemple de son groupe et qui va en discuter avec les autres porte-paroles. Encore tiré au sort d'ailleurs, pourquoi pas, ce serait pas mal. Et que à ce moment-là, derrière, il y ait vraiment du coup une constitution mise en place. Donc combien est-ce qu'il en faut à la base? Moi j'en sais rien. D'accord. Je vois où tu veux en venir. Par contre, il y a un truc moi qui me. Un truc pratique où il faut faire extrêmement attention, c'est quand on fait comme ça un certain nombre de. Soit de réunions ou de groupes de travail, etc. C'est en fait les idées qui en sortent ont tendance à être un petit peu diluées en fait. C'est-à-dire que plus ça remonte, plus on a tendance en fait à squeezer des trucs entre guillemets et à interpréter ou réinterpréter des choses. Parce que par exemple, si je dis n'importe quoi, tu fais tiens, on va prendre Paris et qu'il y a un groupe de travail dans chaque arrondissement, du coup ça va remonter à des personnes qui vont être des rapporteurs. Ces rapporteurs-là vont mettre quelque chose qui correspond entre guillemets à soit une majorité et on en revient toujours à la même chose. Si t'as 2 ou 3 personnes qui sont pas d'accord dans le groupe et qui veulent faire autrement, comment on fait derrière? Et c'est vrai que c'est pas évident. Et puis plus tu montes haut en fait, plus t'auras quelque chose qui finalement peut être complètement déconnecté de. Enfin, peut-être pas complètement déconnecté, mais en tout cas généralisé ou avec des ouvertures de portes, etc. Parce qu'on le voit, et c'est l'une des critiques qu'on peut faire, Quand on essaye de faire des chartes, des machins, des choses comme ça, bah, voilà, il faut faire ci, il faut faire comme ça, et du coup c'est général, et du coup c'est vachement interprétable. Et je trouve que c'est, en fait, ça serait, il faudrait trouver une solution pour éviter ce genre de problème, mais qu'on a tous hein, à divers degrés et qu'on connaît actuellement. C'est finalement, bah ouais, c'est con à dire, mais pour ne pas blesser certaines sensibilités. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit à travers notre mouvement ou d'autres, bah, que finalement, c'est, voilà, c'est compliqué de faire des choses où c'est comme ça et c'est pas interprétable. Mais on a la même chose. Je vais prendre un exemple tout con dans le code du travail. Le code du travail n'est pas forcément du côté des travailleurs, parfois. Et souvent, les directions et le détournent ou à une interprétation différente. Et t'as beau être dire, en tant que représentant du personnel, tu dis, mais non, c'est marqué comme ça dans le code du travail. Bah, t'as le juriste qui va arriver en face de toi qui dit bah non, en fait, ça veut dire ça. Et comme ça, tu peux durer des réunions pendant 4 heures et sans qu'à la fin, en fait, voici, bah, si, ça finit devant un juge, généralement, et quand il y a vraiment une volonté. Donc, voilà, je sais pas comment on peut réussir à contourner, en fait, cette problématique. N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre la parole, participer. Oui, pour ça, en fait, bah, en fait, je pense tout simplement, on a déjà dit pas mal, mais on va faut insister là-dessus, c'est des organes de contrôle, en fait, tout simplement. Et du coup, ce que tu dis, donc, s'il y aurait des assemblées plus basses et plus hautes, déjà, il y aurait une hiérarchie. Ouais, forcément, il y aurait une hiérarchie quelque part. Mais il faudrait juste tout simplement que ce qui sort des assemblées éparpillées, quoi. Ces assemblées-là puissent avoir le pouvoir de vérifier que quand c'est si ça doit aller plus haut pour être centralisé, etc., bah, que ça bouge pas, quoi, tout simplement. Et enfin, je pense que c'est quand même faisable, enfin, ce qu'on a déjà dit, tant que si on est complètement transparent et qu'on a des possibilités de contrôle, je pense qu'on peut quand même contrer ça, quoi. Enfin, en partie, peut-être pas entièrement, mais en partie. Pour le nombre, je sais pas, je sais que c'est dur à dire, mais peut-être qu'on peut imaginer en pourcentage, en fait, ou d'autres formes de division, mais en tout cas, il y aura forcément une forme comme ça à faire. Ouais. Après, le chiffre, je sais pas. Enfin, la question que tu posais, c'était pas forcément sur les organes de contrôle, c'était plutôt comment faire une convergence, en fait. C'est-à-dire, s'il y a justement différents territoires qui sont en train de bosser sur une nouvelle constitution, faut bien qu'à un moment, toutes ces différentes constitutions créées, on en fasse une. Donc, non, mais c'est vraiment une question assez difficile que tu poses. C'est-à-dire, voilà, du coup, il y a plein de personnes qui ont travaillé dans des endroits différents sur une constitution qui sera donc, du coup, pas les mêmes. Et donc, comment, à partir de ça, faire une seule constitution et qui, en effet, ne fasse pas perdre la qualité des débats de base et tout ce qui a été. Mais je me dis, après, si ce sont des rapporteurs qui viennent des groupes, donc qui ont participé au débat depuis le début, ils pourront redire les débats qui ont eu lieu. Et donc, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra récupérer les textes et qui dira, voilà, dans ce texte-là, on prend ça. C'est les personnes aussi qui les ont créés, qui les ont écrits, qui vont débattre avec d'autres. Donc, Ouais. Oui, mais et c'est ce que je dis encore une fois, le rapporteur dans un groupe peut avoir un avis différent d'autres personnes du groupe. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là où... moi, ça me fait penser à actuellement... alors c'est con parce que je vais revenir un peu dans ce qui se passe, mais dans beaucoup d'endroits, en fait, on te fait croire que tu as le choix et que tu as la possibilité de prendre des décisions, mais en fait ce choix là il est faussé parce qu'en fait c'est dans un cadre et tu as des barrières et tu as des limites. Donc ça, c'est un truc que je voudrais apporter en plus, c'est justement qu'il n'y ait pas ces limites ou ces barrières, en fait, que ça soit pas bah, vous avez le choix entre ça va de soi, mais en tout cas c'est toujours bien de le dire, je pense. Comme toute chose, quand on s'est dit, c'est mieux. Et après, voilà, la difficulté, c'est... en fait, ça me fait penser à... Là, je vais revenir très très loin à ce qui s'est passé à l'époque avec le tiers-état, pendant la Révolution, juste avant la Révolution française, en fait. C'est qu'il y a eu des assemblées qui se sont faites avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y avait des gens qui étaient de la bourgeoisie, il y avait des gens qui étaient... certains qui étaient royalistes. Voilà, il y avait plusieurs différents types de... Du coup, on va appeler ça courant, hein, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais peu importe. Et du coup, il y a certains endroits, ça s'est terminé en pugilat, quoi, parce que les personnes étaient incapables de se mettre d'accord. Alors là, dans la société idéale, est-ce qu'on est tous des bisounours et qu'on est tous d'accord? Pour moi, ça, c'est pas la société idéale. Il faut qu'il y ait des contradictions, comme en sociocratie, et on avance grâce aux contradictions et aux objections, entre guillemets, et ça permet de construire. Mais voilà, c'est si t'as un rapporteur qui est d'une tendance, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, libéral, allez, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, et que voilà, c'est ouais, il y a un texte, mais bon, je sais pas, bref, je fais tourner la parole en fait. Juste pour, je répète un peu du coup, mais juste pour là, quand tu dis le rapporteur, il peut se permettre, enfin, il peut apporter une autre parole que celle qui est sortie. Bah, je reviens à ce que j'ai dit, la transparence et le contrôle. Et donc, si on s'assure qu'il a un texte et seul ce texte qu'il doit rapporter, et si on s'assure qu'il lise bien que ça et qu'il donne bien le ton, il suffit juste de mettre des gens pour contrôler, quoi. C'est faisable. Effectivement, là, tu parles dans les assemblées qu'on fait aujourd'hui et dans les cadres qu'on fait aujourd'hui. Oui, il n'y a certainement pas ces organes-là qui sont mis en place pour qu'on contrôle, on s'en fout. Mais je pense que c'est quand même faisable, surtout si on veut une démocratie, quoi. Enfin, voilà. Ben, pour le problème de comment on peut concevoir une constitution à partir de plusieurs textes élaborés, chacun de son côté, par groupe ou individuellement, ben, je pense que dans tous ces groupes, il y aura des personnes qui ont réfléchi avant d'élaborer un projet de constitution. Et donc, dans tous ces différents projets de constitution, il va y avoir des points de rapprochement, voire même des identités sur certains points. On peut partir déjà de ça, de ce que toutes ont en commun, pour élaborer un premier projet de base. Et après, à partir de là, commencer avec ça et continuer à réfléchir sur le reste, quitte à prendre du temps. Ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, forcément. C'est un peu comme quand on a commencé cet atelier. Il y avait des idées qui se ressemblent et qui s'assemblent aussi entre guillemets. Et du coup, ouais, on peut y arriver comme ça. Après, par contre, il faut ce que je disais tout à l'heure. Par contre, une fois que il y a un résultat et qu'on a ce résultat-là, il faut que le truc il soit béton, quoi. Enfin, parce que après, c'est con, mais dans la société idéale, voilà, faudrait pas forcément. Enfin, je sais pas s'il faudrait qu'il y ait un truc qui soit. Pour moi, c'est important que ça soit pas interprétable d'une autre façon et en fait, qu'il y ait des petits malins qui détournent le truc et qu'il y a entre guillemets qu'il y a du vice. Alors c'est difficile, hein, on dit souvent, peu importe. Enfin, moi j'entends, hein, je suis pas spécialement, je dis que je suis pour ou contre, mais on dit souvent, peu importe le système. De toute façon, il y a toujours un petit malin qui va trouver le vice et qui va le contourner. Dans la société idéale, et là c'est très utopique hein, ce que je dis, mais c'est le but de l'atelier, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas possibilité de trouver du vice, quoi, et qu'il n'y ait pas de possibilité de le contourner. Mais là je suis complètement dans un utopisme assumé. C'est le problème des textes écrits justement, c'est que l'écriture par nature elle est interprétable à l'infini, et que justement la constitution... comme texte sacré de la République, ou dans les théocraties, les textes religieux, dès lors qu'ils se prêtent à l'interprétation, comme tu dis, ils peuvent servir à dire tout et son contraire. Donc ça, je pense qu'il faut être très vigilant sur ce rapport à l'écriture et ce rapport à la Constitution, et considérer quand même que le savoir est vivant et que la parole vivante, d'une certaine façon, est plus importante que l'écriture. Dans ce sens, voilà, c'est pour ça que la démocratie permet justement de confronter les interprétations publiquement et de choisir ensemble, enfin de façon démocratique, donc par un vote majoritaire, quelle est l'interprétation qu'on va s'appliquer à tous. Ensuite, pour revenir à la question des salaires des élus, dont il était question tout à l'heure, moi je pense qu'il est très important que les élus perçoivent des salaires correspondant aux citoyens. C'est-à-dire que de façon à ce que les lois qu'ils produisent et que la société qu'ils produisent, ils la vivent concrètement. Ça, je crois que c'est fondamental. Parce que si on avait aujourd'hui des élus, par exemple, qui gagnaient, je ne sais pas moi, le salaire moyen des Français, sans aucun autre privilège, alors il est logique qu'ils défendraient des lois et des projets de loi qui auraient pour but d'améliorer leurs conditions de vie à eux. Mais s'ils touchent des salaires de 7000 euros, par exemple, qui sont complètement déconnectés de la réalité des citoyens, à ce moment-là, là, il y a vraiment, pour moi, il y a une réflexion à avoir sur la cohérence du salaire de l'élu. Et puis, sur la question du tirage au sort, et la question est-ce qu'on tire au sort des volontaires ou pas, je pense qu'on peut s'inspirer justement de la sociocratie, qui distingue deux types de fonctions, on va dire, au sein de l'organisation, les fonctions stratégiques qui nécessitent de la technique, et là où on met en place une élection, on ne pourrait pas se dire une forme aristocratique, où il s'agirait de mettre au pouvoir les meilleurs, les plus sachants, les plus savants dans la technique donnée. Par exemple, les militaires. C'est-à-dire, tu ne peux pas tirer au sort des généraux. Il faut vraiment prendre les plus sachants dans l'art de la guerre. Par contre, pour les questions non stratégiques, c'est-à-dire les questions, je ne sais plus comment on dit dans sociocratie, je crois que c'est les questions pas métaphysiques, mais je ne sais plus comment on dit, mais tout ce qui ne relève pas de la technique, tout ce qui est de l'ordre du général, là, en revanche, on peut mettre en place, je pense, le tirage au sort. Ah oui, et dernière chose, pardon, désolé, parce qu'aujourd'hui on a parlé d'e-démocratie, je pense que là, il y a un truc super intéressant, c'est par rapport à tous les gens qui votent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour voter, il faut s'inscrire à la mairie, il faut aller sur le lieu de vote. Enfin, il y a tout un truc qui fait qu'au final, il y a plein de gens qui votent pas, surtout dans les classes populaires. Et donc aujourd'hui, avec la technologie, notamment le système digital, on pourrait imaginer justement une simplification du vote, de toute façon à ce que tout le monde puisse voter très simplement, sans avoir besoin de s'inscrire, etc. Dès lors qu'il serait, par exemple, il y aurait une empreinte digitale qui serait une sorte de preuve irréfutable qu'ils ont voté, qu'ils sont bien citoyens français, par exemple. Et ça, je pense que c'est vraiment très important aussi. Alors, juste avant de te donner la parole, Bruno, parce que c'est une réaction tout de suite sur le, quelque part, une espèce de vote électronique, c'est ça ? On peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai testé le vote électronique. Ouais, ok. Alors, par contre, ça, dans les idées, il faudrait vraiment que ça soit contrôlé, parce que moi, je l'ai fait voter électroniquement pour des représentants. Et ça a été contesté par des organisations syndicales, certes qui ont perdu, mais ça a été contesté parce que du coup c'était fait par une boîte privée et il y a un espèce de truc d'algorithme, enfin bref, c'est très technique. Donc je dis pourquoi pas, mais pareil, comme beaucoup de chance, transparence, de savoir, oula, je sais pas si c'est possible d'éviter le grisillement. D'accord. Donc du coup, ouais, contrôler. Non, j'ai plus de cheveux. Bruno, je te donne la parole. Sur le contrôle formel d'une constitution, alors qu'elle soit écrite par rapport à une constitution orale, autant qu'elle soit écrite où c'est formellement indiqué. Et pour le contrôle, tout simplement, plutôt un principe sociocratique que démocratique, où c'est un consensus qui valide le sens de chaque article de la Constitution. Il y en a d'autres qui ont écouté, tant pis pour toi. Ok. Du coup, excuse-moi, j'étais un petit peu coupé, donc j'ai un peu perdu le fil. Sur la Constitution, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, voilà, n'hésitez pas, on parle de la société idéale, et on est en train de parler de la Constitution réécrite par des groupes de citoyens, donc si quelqu'un a un commentaire, un avis là-dessus, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Le nombre, sur la question du nombre tout à l'heure, alors c'est un truc qui est con, mais plus on est nombreux, plus c'est compliqué, j'ai l'impression. Alors, est-ce que dans la société idéale, est-ce que ça sera toujours le cas ? Et ça, voilà, c'est l'empruntique. C'est qu'on... Enfin, ouais, par expérience, on arrive à mieux travailler en vraiment en petit groupe, on va dire d'une dizaine, qu'à travailler à 30 ou plus de personnes, où ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est le cas quand on n'a pas forcément un objectif et un... Enfin, on peut avoir un but commun, mais c'est plutôt la façon d'arriver à ce but qui est différent, en fait. Donc, il faudrait vraiment... 1, 2. Pour moi, il faudrait vraiment, en fait, se mettre d'accord dès le départ, en fait. Mais on l'a peut-être déjà un peu dit. Parce que sinon... Ça peut être un peu compliqué. Non, je sais pas, vous me regardez bizarrement, je divague peut-être aussi. c'est trop canon cet atelier cet après-midi, je sens. Bon appétit. Est-ce qu'on passe à un autre sujet? Ou est-ce que vous voulez rebondir? Parce que je suis en train un peu de pagayer là. Alors, sinon, après, le point suivant, c'était le type de gouvernement. Donc, c'était un peu plus, c'était l'idée, donc, et c'est ce qu'on avait un petit peu développé la semaine dernière, en fait, de travailler plus avec des espèces de ministères que vraiment un président. On était parti sur 5 ans, mais est-ce qu'on garde ces 5 ans ou pas? Je sais pas, c'est le système actuel, je crois, 5 ans, si je me trompe pas. Donc est-ce qu'on garde 5 ans, est-ce qu'on fait moins longtemps, 2 ans, 1 an? Bon, après c'est peut-être chiant de faire des élections tous les ans, c'est ça. voilà, en fait on était parti sur plus voter pour un programme, ce qui fait un petit peu défaut actuellement, que sur des personnes en fait qui disent à peu près tous et toutes la même chose. Après, c'est toujours le même débat sur la parité homme-femme, égalité des territoires. Voilà. Donc je sais pas ce que ça peut vous inspirer. Il y a plein de choses qui ont déjà été dites là-dessus. Mais si vous avez des idées particulières ou des partages d'expérience, n'hésitez pas. Tu veux que je relise? Ah, merci. Non, bah, alors par rapport à la fonction présidentielle, moi je trouve que c'est... Parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, quand on a des élections, c'est le bipartisme. C'est soit c'est la droite, soit c'est la gauche. Alors soit c'est entre guillemets, on va dire, le social qui va l'emporter sur le... Je vais pas dire le sécuritaire, mais bon, sur... Et puis, ou inversement. Alors on pourrait imaginer aussi une forme de présidence, une sorte de couple présidentiel. Où il y aurait, alors pourquoi pas justement la parité, un couple, pourquoi pas, mais surtout, qu'il y ait un couple dans le sens où il y aurait à la fois... un représentant du social, on dirait de la main de velours de l'État, et de l'autre côté, de la main de fer de l'État, dans le sens où il y aurait à chaque fois des décisions consensuelles qui soient prises, et qui n'est pas, tu vois, enfin voilà, c'est l'idée d'imaginer le pouvoir non plus de façon monothéiste, avec un seul qui détient le pouvoir, mais de façon, on va dire, je vais pas dire polythéisme, mais avec une sorte de coupe, où il y aurait à la fois du féminin, du masculin, du social et du sécuritaire, on va dire. Une sorte de cohabitation, un peu. Ouais, une cohabitation, mais... Alors du coup, alors dans ton idée, si je te suis, hein, j'essaie de te suivre, donc il faudrait... Bon, deux, bah, du coup, peut-être plusieurs personnes, quoi. Parce que si tu prends... Alors si on essaye de faire une mixité et que tout le monde est représenté, c'est compliqué. Enfin, combien de personnes tu mettrais, du coup? Parce que bon, un homme, une femme, là, je te suis... Mais après, je sais pas, je dis n'importe quoi, telle personne de telle religion, tu vois, tout le monde peut pas, une personne peut pas avoir trois religions à la fois, ou alors c'est complètement absurde. Non, moi je faisais vraiment référence à la fonction exécutive, c'est-à-dire à la fonction de présidence de la République. Je parlais pas de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des ministres, etc. C'est vraiment la fonction présidentielle aujourd'hui, elle est interprétée. Moi je pense qu'il y a une influence religieuse. Parce qu'on est bercé par le monothéisme et on envisage toujours le pouvoir dans le l'un, tu vois, dans le soit le roi, soit le président, etc., l'empereur, etc. Et donc on peut très bien sortir de ce monothéisme pour aller justement vers une nouvelle représentation du pouvoir entre guillemets suprême qui serait représentée par un couple, un peu comme une famille. Quelque part, un pays, un peuple, c'est aussi une forme de famille. Et dans une famille, bon ben, dans la famille patriarcale, on dit c'est le père qui... Bon ben là, avec la modernité, pour moi, une famille, c'est le papa et la maman, c'est tous les deux qui gouvernent la famille. Alors pourquoi ne pas reprendre cette idée-là de la famille et de l'instaurer à la société? Donc comment au moins avoir un homme et une femme, quoi. Après, peut-être avec des idées différentes, mais... ouais, d'accord. Donc, dans ta vision là du président dans une société idéale, ça voudrait dire, oui, forcément, Bah alors après, si t'as, là tu nous as cité le bip, mais si t'as quatre courants, par exemple, j'ai n'importe quoi, hein, donc il faudrait quatre personnes. Si t'as quatre grands courants. Parce que là, regarde, si je prends par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis, tout le monde nous a fait croire que c'était un duel Clinton-Trump. Mais en fait, il y avait d'autres candidats. On en a parlé ici, il y avait notamment la candidate écologiste. Donc je ne sais même pas combien quelle soirée elle a fait. Mais peu importe, mais personne n'en parlait. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y ait entre guillemets plusieurs courants dans une société, et ouais, c'est ça. En gros, s'il y en a quatre personnes, deux hommes, deux femmes, par exemple. Je sais pas, enfin, tu peux me réfléchir et me répondre après, hein, mais c'est pour essayer de lancer un truc. Oui, c'est intéressant parce que justement, sur ce qu'on avait développé au niveau des ministères, en fait, c'était plutôt la fonction législative. Où on disait bah voilà que dans chaque ministère ce serait un axe de la société, donc environnement par exemple, économie, etc. Et que là du coup ça fonctionnerait par tirage au sort. Ce qu'on avait un petit peu développé comme idée du coup, c'était que il y ait un programme de voter et ensuite des citoyens tirés au sort pour l'appliquer. Donc ils trouvent les moyens, donc avec une convergence des universitaires aussi, parce que bon, il y a quand même un travail universitaire qui est énorme en France, qui est très peu pris en compte par le politique. Donc là, du coup, ce serait vraiment rentrer dedans, quoi. Enfin, on peut même se dire, les universitaires pourraient participer à la création du programme, mais par contre, ce serait, enfin voilà, on voterait pour personne, parce que ceux qui vont appliquer le programme qui sera voté seront tirés au sort pour l'appliquer. Avec... du coup, la possibilité de recourir à des experts, etc. Et donc, en effet, on n'avait pas... Enfin, il restait ce point-là sur la fonction, comme tu disais, purement présidentielle, sur la prise de décision et surtout dans l'immédiat. Enfin, voilà, il y a des fois quand même... il faut qu'il y ait des décisions soient prises rapidement. Et là, il nous manquait cet élément-là. Parce qu'on se disait même, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les différents ministères, ils seront obligés de faire du débat contradictoire pour faire une politique, mais là c'est à long terme, c'est vraiment une vision à long terme, donc on peut dire 5 ans, on peut dire plus hein, d'ailleurs du coup. Si c'est un programme à mettre en place, ça pourrait être sur 10 ans que les personnes sont tirées au sort, enfin du coup on pourrait le voir à plus long terme, hein, je sais pas. Mais là, la question que je voudrais du coup poser par rapport à cette question présidentielle, du coup ce serait, enfin voilà, si comme tu dis, c'est un couple qui représente un petit peu, tu disais bon bras de fer, bras doux, enfin... Voilà, l'aspect social est peut-être plus l'aspect impératif. Est-ce que ce serait par vote? Est-ce que parce que si c'est par tirage au sort, on peut pas y avoir les deux. Et en sachant que voilà, leur pure fonction, ce serait prise de décision dans les moments d'urgence. Donc le problème, c'est que si encore il y a un moment où on élit même un couple, eh ben va y avoir ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire en fait, on va se focaliser sur eux alors qu'ils auront finalement très très peu de poids. Donc je ne sais pas de quelle façon ça peut fonctionner pour qu'il puisse y avoir justement juste un couple qui en fait n'aura du poids que dans les prises de décision urgentes. Donc sur 10 ans, ce ne sera pas énorme en fait. Et voilà, de quelle façon est-ce qu'on peut donc soit les lire, soit du coup c'est les personnes tirées au sort qui les lisent. Enfin, je ne sais pas trop. Alors juste n'hésitez pas à participer, hein. C'est vraiment libre. Je vais pas vous demander de vous asseoir parce que c'est un peu mouillé par terre, mais je le comprends tout à fait, mais n'hésitez pas, hein. La parole est libre ici à l'éducation populaire. En fait, dans ce que tu avais dit tout à l'heure, Sylvain, il y avait l'idée de plus avoir de président. Bah, alors ça a déjà existé hein, dans l'histoire, il y a les Islandais. L'Islande qui a été colonisée par les Celtes et par les Norvégiens. Tout le monde se souvient des Norvégiens, des Vikings, moins les Celtes. Et ils ont développé un système de gouvernement, les rings, donc chaque ring gouvernait, enfin gérait un territoire, une région, voire même une ferme, et se réunissait dans l'Alring 2-3 fois par an pour prendre des décisions communes. Et la première décision qu'ils avaient prise, c'était pas de chef. Et ils ont tenu 300 ans jusqu'à ce que les Norvégiens qui, eux, avaient un roi, sont venus pour les conquérir. Et ça a très bien fonctionné. Alors, sur la question de la présidence, on va dire par couple, pour en venir à la sociocratie, qu'on retrouve d'ailleurs dans la démocratie grecque, c'est-à-dire que la fonction exécutive faisait l'objet d'une élection. C'est-à-dire que le stratège était élu. Parce que là, c'est une fonction qui demande, à mon sens, des compétences à la fois techniques et générales qui sont tellement importantes que le tirage au sort, moi, j'y suis pas favorable. Je pense vraiment que la fonction présidentielle doit rester au suffrage universel et à l'élection. Après, on peut imaginer deux élections. Une élection pour élire, on va dire, un stratège qui aura en charge toute la partie main de fer de l'État. Et puis une deuxième élection pour un stratège qui aura la partie sociale de l'État. Et donc là, on n'aura pas, par exemple, un débat politique qui sera essentiellement axé sur le sécuritaire ou sur l'économie. Mais il y aura forcément une part, on va dire, paritaire entre les questions sociales et les questions qui sortent du social. Alors à ce moment-là, le couple... Alors, c'est pas forcément un homme et une femme, parce que ça sera identifier la femme au social et l'homme, etc. Mais c'est surtout l'idée que le couple présidentiel incarne ces deux mamelles de la République, quoi, que sont le social et le sécuritaire, ou l'impératif, comme ça avait été dit. Ok. Bah écoute, ouais, c'est une idée. Mon point de vue. Mais du coup, sur les 5 ans, est-ce qu'on garde, effectivement, tu disais 10 ans. Après 10 ans, il y a peut-être des toiles d'araignée au bout d'un moment, non ? On s'accroche un peu au siège, non, au bout de 10 ans, non ? C'est un peu humain, hein, non ? Pour le coup. 10 ans, moi, ça me paraît très long. En tout cas, à titre perso, moi, je suis pas... Alors 5 ans, ça m'embête un peu, parce qu'en gros, c'est ce qui se fait actuellement. Donc dans une société idéale, si on peut faire autrement que ce qu'on fait actuellement, mais là, c'est juste de la sémantique. Mais 10 ans, ça me paraît quand même un peu long. Après, en même temps, je me rappelle, alors c'est une idée, je sais pas où on l'a repris, où ça a été repris, dans quel thème, mais on parlait de faire un espèce de truc de comment démonter toutes les merdes qu'on a fait jusque-là, et un espèce de ministère de la transition, de revenir à des trucs beaucoup plus saines. Enfin, c'est un peu barbare ce que je suis en train de dire, mais c'était l'idée, en fait, qu'il y a des gens qui travaillent sur cette transition. Tiens, je vais piquer le mot de la transition écologique, mais parce qu'il y aura beaucoup de transitions et pas que écologiques à avoir, si on veut arriver à cette société idéale. Et peut-être que dans cette espèce de ministère, si je peux employer ce mot-là, ouais, il faudra peut-être un peu plus de temps, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Enfin, j'espère pas 10 ans, hein, quand même. Parce que là, on voit que, enfin, déjà en 14 ateliers, donc ça fait, on a fait quoi? Ça fait combien de mois? 3, 4 mois, enfin 5 mois. On a déjà débouché sur pas mal de choses. Donc après, on peut pas tout révolutionner non plus. Je pense que les solutions, elles viendront beaucoup plus rapidement que 10 ans pour moi. Après, donc je disais tout à l'heure, un an, c'est un peu just pour des élections, parce que tous les ans, ça va être vite fatigué. Enfin, moi, je vois sur des élections, 2 ans, c'est 2 ans pour moi, c'est aussi un peu embêtant, parce que la première année, on est à donf, la deuxième année, on est plutôt sur comment se refaire réélire. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, en fait. Donc 2 ans non plus, peut-être 3, finalement, je sais pas, voilà. Non, je pensais qu'il y avait une prise de parole, mais... En fait, j'étais en train de me dire, on n'est pas obligé de faire un truc fixé. Ça peut être justement les programmes proposés pour chaque ministère. Il y a un programme qui se propose sur 5 ans. Et en fait, on vote pour le programme le plus intéressant, qui peut être soit pour 3 ans, soit pour 5 ans, soit pour 8 ans. Donc en fait, en fonction des programmes, les programmes sont sur un certain temps. Et chacun, les programmes qui seront votés vont définir le temps de gouvernance du ministère, quoi. Oh. D'accord. Et en fait, ça permettrait que, du coup, les personnes qui le mettent en place vont jusqu'au bout du projet. Ça éviterait qu'il y ait des changements, par exemple, si on part tous les 2 ans de personnes, comme on peut le connaître actuellement, avec des ministres éphémères de 3 mois, 6 mois. Enfin, là, on avait du record, je crois, sur le dernier gouvernement de durée. Ben, en fait, pourquoi on pourrait pas faire comme dans les sociétés du type SAPO, c'est-à-dire que on développe un projet qu'on fait donc sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, s'il doit se développer sur 20 ans. Et la direction, on met à la tête une personne qui tourne, parce que c'est pas si important que ça de savoir qui est à la tête. On a besoin de quelqu'un pour différentes raisons administratives, techniques, juridiques, mais on n'est pas obligé de garder la même personne tout le temps. On peut même prendre une personne, on peut la faire changer tous les 6 mois ou tous les ans, et tant pis pour celui qui est au poste de direction, c'est lui qui... Il n'a rien à gagner de plus, sauf des responsabilités en plus. Bon, si il n'y a pas de récompense au bout, il sera bien content de passer son tour, et on pourrait fonctionner comme ça. Alors, juste point technique, pour ceux qui savent pas, puisqu'on est aussi dans l'éducation populaire, une SAPO, en fait, qu'est-ce qu'une SAPO? On a passé un reportage qui s'appelle Ambiance Bois. Il y en a 7 en France et il y a un projet unique sur le plateau des 1000 vaches. Donc c'est une société, c'est une série qui s'appelle Ambiance Bois. En fait, les salariés, c'est eux qui prennent leurs décisions. Il y a un taux horaire qui est fixe, donc ils ont quasiment tous le même salaire. Donc en fonction du nombre de jours où ils travaillent, il y a des temps pleins et des temps partiels. Et en fait, là où ils sont uniques en France, c'est qu'ils sont actionnaires majoritaires de leur entreprise. Donc en fait, c'est eux-mêmes qui prennent leurs décisions. Ils travaillent, pour ceux qui sont à temps plein, 4 jours par semaine. Et le vendredi, ils ont une réunion où ils prennent toutes les décisions. Et ça, c'est une SAPO, en fait. Et c'est très, très peu connu en France. Et en fait, c'est les salariés qui privilégient un cadre de vie. Parce qu'ils ont des horaires adaptés pour aller chercher leur gamin, pour aller faire des choses dans le milieu associatif, etc., que le salaire. Donc ils sont 25 actuellement, et je vous invite à aller voir ce documentaire Ambiance Bois qui doit être dispo sur les plateformes. Je crois qu'il y a un DVD, enfin, je suis un très mauvais commercial, mais enfin en tout cas qui est très intéressant. Et malheureusement c'est très très peu connu, mais voilà ce que c'est une SAPO pour l'information. Merci. Alors c'est assez brouillon là dans ma tête, mais je rejoins Bruno complètement sur le fait que le président peut être remplaçable, pour moi assez régulièrement en fait, parce que sa fonction, surtout aujourd'hui, c'est je trouve qu'il y a quand même une grosse partie de nous représenter à l'extérieur en fait. Il y a beaucoup ça. Après à l'intérieur, moi je me dis que si à la base on a voté pour des idées et un programme, etc., la personne qui le fait, c'est pas le plus important pour nous dans le pays. Enfin, et du coup, même on devrait être capable de mettre en place un système où elle a quasiment pas d'importance en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un. En fait, pour moi, plus on attache d'importance à un homme, à un individu, plus on s'écarte des problèmes de tout le monde. Enfin, je sais pas. C'est vraiment comme ça que je le vois. Plus je vois pas pourquoi. Vraiment, on veut absolument tout confier à un homme et même deux, quoi. Pour moi, j'ai du mal à. Après, c'est très brouillon et j'ai pas du tout trop d'arguments. J'aurais plein d'idées. Ton idée, je l'aurais prise. J'aurais pris aussi de pourquoi pas avoir 40 présidents, quoi. Une assemblée, en fait. Je sais pas. Ou alors, mais voir pas de président du tout. Pour moi, ça me parle un peu plus. Dans le sens où ça voudrait dire aussi que derrière, effectivement, le système serait complètement différent. C'est-à-dire que voilà, on voterait pour un programme et le système ferait qu'on n'ait pas besoin d'une personne qui ait un mot à dire pour le faire, en fait. Et juste les institutions permettraient de faire que ce qu'on a choisi aux élections ou à n'importe quel suffrage se fasse, tout simplement. Même si là, c'est très brouillon ce que je dis, je ne sais pas comment vous allez le monter, mais voilà. Oui, la précision que j'ai oublié de dire, c'est que dans une SAPO, en fait, le président est tiré au sort. Et il y a des moments, en fait, ils savent même pas qui est le président. La seule fois où ils l'ont su, c'est quand ils ont eu un gros accident du travail, et du coup, c'est allé en justice, et en fait, la justice a dit, je veux parler au chef, et en fait, c'était une personne, je crois, qui était là depuis même pas 2-3 ans. C'était un petit jeune de 25 ans qui était le PDG de la boîte. Donc, c'est assez rigolo. Ok, merci. Ouais, alors moi, c'est par rapport à la limitation du temps des mandats. Alors moi, je suis pas trop favorable en fait. Je pense que pour les postes de tirage au sort, là, je pense qu'il faut une limitation dans le temps des mandats, il faut un roulement. Je pense que 1 an, c'est suffisant personnellement. Mais pour les fonctions électives, là, je suis contre qu'il y ait des limites en fait. Parce que c'est une forme aussi de précarisation de la fonction de l'élu. C'est-à-dire que si on te dit, tu seras élu, mais dans 5 ans, tu auras plus ton poste. Alors, voilà, moi je suis contre ça. Moi, je pense que dès lors qu'il y a, s'il y a élection, si on a un très bon stratège, on a un très bon élu, qui fait très bien son travail, pourquoi lui mettre des limitations dans le temps? Ça, je suis contre cette idée. Par contre, je suis pour des mandats de 1 année. Tous les ans, il est réélu. Ou alors, il est révoqué. Voilà. Parce que le problème de la limitation, c'est une limitation quantitative. Moi, donc voilà, je vois pas l'argument quantitatif. Pour moi, c'est l'argument qualitatif qui doit l'emporter sur le quantitatif. Et donc, si l'élu est bon dans son poste, si on a un super maire ou je sais pas, pourquoi au bout d'un mandat lui dire tu arrêtes? Bon, il y a quand même l'âge, hein, d'un moment qui va. Parce que même s'il est très très beau, d'un moment, il faut lui dire prends ta retraite, quoi. Ben là, tout le monde parle de la prison de la République, mais tout le monde, personne n'a parlé de l'Assemblée populaire. Je pense que l'enjeu politique est dans l'Assemblée populaire. Si on arrive à élire, comment dire, des élus qui sont vraiment faits, qui sont vraiment méritent leur place dans l'Assemblée populaire, on peut pousser le président à faire certains choix par rapport à son programme. Je sais pas, par exemple, Trump a fait un pacte avec les sénateurs en Amérique pour délaisser certains programmes, pour délaisser certaines propositions. Voilà. Donc le président, il est élu 10 fois. Un président, il peut être élu par défaut, comme c'était le cas de Chirac en 2002, je pense. Donc tout le monde a évité le Front National pour élire Chirac. Donc ça ne veut pas dire qu'il a tous les pouvoirs dans ses mains. Donc l'Assemblée populaire peut faire certaines pressions pour avoir un programme, pour appliquer un programme qui va à toute la société. Voilà. Ok. Ouais, tu as raison. Enfin, c'est un grand débat. Hein. Président ou pas président, avec quel pouvoir ou pas de pouvoir. Voilà. Ok. C'était 2 secondes juste pour appuyer l'analyse qui a été faite avant. Parce qu'effectivement, en fait, là, nous, on réfléchit pas en limitation de mandat. Beaucoup, je pense, on pense beaucoup à ça par rapport au système actuel et que actuellement, on a pas trop envie de les voir longtemps au pouvoir, en fait. Mais effectivement, dans un système qui marcherait, on va dire, pour aller vite, un système qui marcherait. Clairement, c'est clair, ça me dérange. Je vois pas pourquoi on va se séparer de quelqu'un qui travaille bien, en fait. C'est juste ça. C'est un peu comme nous quand on travaille. Et je vois pas quelqu'un va dire bah je t'embauche 5 ans parce que c'est comme ça. Bah non. Enfin, je veux dire, si il travaille bien, il va me garder ou après ça va être pour finir des raisons économiques ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas juste une limite quantitative comme ça, arbitraire. Je suis vraiment d'accord sur le principe. J'avais pas vu ça comme ça. Je pense qu'on se fait tellement à la réflexion que actuellement ceux qu'on a, on veut plus les voir, que du coup on n'arrive pas à aller aussi loin. Mais sinon, franchement, voilà, c'était juste pour appuyer cette analyse. Ok, alors on est toujours sur le gouvernement, on est toujours sur l'atelier de éducation populaire, et on a toujours des prises de parole. Je sais pas, il me vient une idée qui est peut-être un peu bête, mais nous, quand on travaille dans notre travail, quand on a un travail, qu'on fait mal notre boulot, on est sanctionné. Bah, pourquoi pas prévoir un dispositif qui, pour un élu, qui soit au titre de pouvoir exécutif ou législatif, s'il ne fait pas son travail, soit sanctionné, voire même condamné parce que ce qu'il a fait, ça mérite de la prison. Enfin, actuellement, c'est plutôt le contraire qui existe. Oui. On a sanction. J'y reviendrai. Non, mais ce qu'il dit, c'est super important. C'est que dans la démocratie athénienne, n'importe quel citoyen pouvait aller à l'Ecclésia ou à la Boulée et dire, voilà, le stratège n'a pas respecté telle loi. Et donc, il était jugé, en fait. Et si, effectivement, il n'avait pas fait son boulot, comme tu dis, il était révoqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien transposer avec des initiatives populaires, de référendum populaire, par exemple, en disant, voilà, le stratège ou le président, sur tel point, n'a pas respecté la loi ou la constitution ou le programme, par exemple, et voilà. Ouais, je crois que quelqu'un ne dira pas, en fait. Sur la sanction, ça dépend ce que tu mets derrière aussi. C'est pas évident, hein, des fois, quand on est rencontré, quand on rencontre des situations où tu as face à toi des gens, humainement, c'est très compliqué. Et pourtant, ils ont fait des grosses bêtises et ils mériteraient une sanction. Et t'as toujours un peu une partie de toi qui dit, ouais, mais au fin, c'est un être humain et en fait, il a fait une connerie. Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation et qu'il n'avait pas le choix, et si tu te mets à sa place, peut-être que tu aurais fait la même chose. C'est compliqué. Ouais, laisser une deuxième chance aux gens, ouais, je l'entends. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche carrément pas, et des fois c'est plutôt du foutage de gueule. Donc voilà, c'est pour ça que il faut, en fait, ma question c'est, qu'est-ce que tu mets derrière le mot sanction, en fait, et jusqu'à où? avant de mettre ce qu'il y a derrière la sanction, c'est ce que c'est que ne pas faire son travail. Avoir essayé, avoir fait ce qu'on a, une personne qui a fait ce qu'elle a pu pour faire fonctionner quelque chose et qui n'a pas réussi, bah, elle n'a pas réussi, puis c'est pas de sa faute, elle a fait son boulot, elle a échoué. Quelqu'un qui, par exemple, pour donner un exemple bête, on va lutter contre le chômage et s'arrange pour qu'il y ait 200 000 fonctionnaires en moins et qui finance 4 entreprises pour qu'il y ait 30 000 employés, il a clairement pas fait son travail. Et là, ça mérite une sanction parce qu'il a rompu le contrat social qu'il a passé avec les citoyens qui l'ont élu. Et la sanction, bah, j'ai dit, comme pour nous, hein, il peut être révoqué, quitte à faire même aller de la prison parce que c'est de l'escroquerie. Quand il s'est fait élire, c'était par escroquerie. Ok, donc pas de guillotine, pas de coupage de tête, demande. Non, je suis exprès un peu polémique. Hein. Du coup, oui, ok. Est-ce qu'on continue à développer ce sujet-là ? Est-ce qu'on passe à un autre sujet ? Je vais regarder ce qu'il y avait dans le point. Donc, on a parlé de la parité homme-femme, l'égalité des territoires, mixité sociale. Ah oui, une question. Une fois qu'on a été tiré au sort, peut-on à nouveau être volontaire pour le même ministère ? La question du salaire, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut un salaire ? Je crois que l'idée était d'avoir un salaire. Alors après, sur un salaire moyen, c'est un peu compliqué dans une société idéale. Est-ce qu'on a bah, idéalement, c'est peut-être qu'on ait tous le même salaire, non ? Je sais pas. Une question un peu à la couillon, mais je sais plus trop ce qu'on a dit sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ouais, il faudrait pas que ça ait des proportions, dépasse des proportions de fou. Quand on parlait de salaire unique, est-ce qu'on incluait nos dirigeants ou pas ? Ça, c'est une très bonne question. Transparence totale pour le vote, gestion des budgets, salaire, pas de conflit d'intérêts, les frais engagés par les citoyens sont mandatés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos élus, en fait ? C'est un petit peu la question. Forcément, la transparence, oui, pour moi, elle est obligatoire. Après, j'ai pas spécialement d'autres propositions que la transparence. Qu'est-ce que j'ai ? Si, j'ai. Après, tu disais ce que tu disais, peut-être avec effectivement le numérique, ça peut aider là-dessus. On aurait été peut-être avec les secrets, entre guillemets, les secrets d'État, en fait. Ça, on est d'accord là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans des bilans ici-bas. Et peut-être qu'il faudrait faire des bilans assez régulièrement ou des dire ce qu'on fait, où on en est, voilà, je laisse la parole. Ouais, c'est un sujet qui est très très compliqué et il faut je pense le ce qui est important, c'est de connaître déjà vraiment comment ça se passe aujourd'hui dans ce milieu. Moi je sais pas exactement. On nous raconte des choses, on ne sait pas forcément si c'est vrai ou pas. Mais je pense que ce qui serait important, c'est des gens qui sont pas influençables déjà. Voilà, il faut que ce soit des gens qui aient des convictions très très fortes pour faire des choses pour le peuple, pour l'être humain, des choses positives pour l'être humain. Il faut que ce soit des convictions. Mais impossible à détourner, en fait. Si le mec, il y a ses intérêts personnels qui arrivent dans ses priorités rapidement, bah ça sert à rien. Il pourra jamais faire quelque chose de concret. Il pourra jamais faire des choses qui servent vraiment les gens et non sa seule personne. Donc par rapport à des décisions qui peuvent être graves, voilà. Ok, alors juste merci de vous arrêter, c'est assez particulier aujourd'hui. Donc on est debout éducation populaire, on est sur l'atelier quelle société veut-on, et on parle de gouvernement, donc n'hésitez pas à venir partager avec nous, voilà, on va essayer de trouver un peu de chaleur là tous ensemble, et merci. Oui, par rapport à ce que tu as dit, je me disais de toute façon si déjà... Il y a un programme qui est voté. En fait, le citoyen tiré au sort, il n'a que à appliquer le programme. Et en effet, du coup, si, enfin, il trouve les moyens pour l'appliquer, mais. Et si justement il fait rentrer, donc soit il y a de la corruption, soit il y a un conflit d'intérêts, ou soit il y a, je trouvais le terme assez juste, la rupture de contrat social, dans ces cas-là, il y a une punition. Donc en soi, en fait, ce que lui il est, et ses convictions, elles sont pas, bien sûr, elles vont faire partie de la chose, mais je vois pas trop comment est-ce qu'elles peuvent rentrer en jeu, quoi. Enfin, je... Bah, le truc, c'est que tu vas tirer quelqu'un au hasard, mais il s'avère que le mec que tu as tiré au hasard, bah, c'est un mec qui a envie de profiter de tout ce qu'il peut par rapport à ce qu'on lui propose. Et il arrive, il sait tellement bien parler aux gens qui sont autour de lui qu'il arrive à les détourner de leur idée principale. Si les gens, ils sont pas, ils ont pas quelque chose qui est ancré au fond d'eux, que leur priorité absolue, c'est le bien-être des êtres humains de la planète. Si c'est pas ça, de toute façon, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va t'enrôler en te disant, ouais, mais t'inquiète, tu vas voir, moi, je vais, si j'arrive à faire ça, je vais pouvoir te donner ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir. Et le mec, il va forcément, peu importe le système que tu monteras, de toute façon, c'est comme tout. Aujourd'hui, ils augmentent la sécurité tout le temps. Mais ceux qui sont derrière à vouloir démonter la sécurité, ben, ils augmentent aussi tout le temps. Ça s'arrête jamais. Si les mecs, tu vas leur dire, ouais, on va te sortir un système, tu pourras jamais le détourner. Mais bien sûr que si le mec il a envie de le détourner, il y arrivera à le détourner, le système. C'est ça le problème. À partir du moment où t'as des gens qui ont besoin et envie de détourner le système pour leur propre intérêt, bah ils y arriveront. C'est c'est par rapport à une masse de gens, je pense vraiment, c'est ça. Oui, du coup, c'est vrai, enfin, je sais pas si on l'a encore recité, mais on avait dit que du coup, il y aurait un Conseil constitutionnel citoyen et qu'il aurait pour application, justement, de faire respecter la Constitution. Et en préambule de la Constitution, il y aurait toutes les lois qui sont créées et le but de chaque gouvernement est d'améliorer, enfin, d'aller vers. Je sais plus ce qu'on avait dit, enfin, c'est dans le truc. Je crois que c'était pour. Je sais plus, c'était mieux vivre ensemble, enfin non, c'était plus clair que ça, en tout cas, mais que du coup c'était inscrit dans la Constitution, et il y avait en effet du coup une instance régulatrice qui vérifiait que donc non seulement il a un programme à appliquer, donc il peut essayer de privilégier ses intérêts à côté, mais s'il n'applique pas le programme, de toute façon il dégage, donc déjà ça limite la chose, et en plus il y a une instance qui contrôle que ça aille bien dans, parce qu'on peut appliquer le programme de différentes façons, en effet, et en faisant croire que mais là je me dis, si c'est des personnes tirées au sort, déjà il sera pas tout seul, il y aura pas un président, et parmi toutes les personnes et plus avec la transparence qu'on a dit, enfin, et j'ose espérer que dans ce système là du coup les gens seront beaucoup plus conscients de ce qui est en jeu aussi. Ouais, mais c'est pour ça, en fait c'est vraiment par rapport à l'éducation, c'est vraiment important ce point là parce que voilà, c'est ça. Tu peux éduquer les gens à se rendre compte que leur intérêt personnel n'est pas une priorité en soi. En fait, c'est ça. Mais c'est sûr que par rapport au système d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, c'était juste pour réagir. En fait, enfin, je comprends complètement ce que tu veux dire dans quand tu dis qu'il faut qu'il ait des convictions, certaines convictions, etc. Mais en fait, enfin, je pense l'intérêt justement de passer par bon, ce qu'elle vient de dire en fait Adèle, c'est justement de pouvoir se passer de ça en fait, parce que pour moi ça c'est le danger en fait. En fait, ça c'est bien, c'est génial comme tu dis, si le mec est sincère, a des super convictions pour l'être humain et tout, ouais. Sauf que déjà un des plus gros dangers, c'est qu'il y a des pros pour te faire croire qu'ils sont comme ça. Donc comment on va les détecter? Et en fait, et surtout, ce qui m'embête, c'est qu'on va commencer à rentrer dans une sélection de qui a cette conviction-là. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche à éviter, tu vois. Je pense qu'on peut se servir de tout le monde, peu importe ses convictions. Donc pour moi, ça doit surtout pas être un critère, en fait. Et en fait, plus des gens ont des convictions, et donc je t'ai pas mis le dernier cas, le pire, il y a des gens qui auront des convictions, et c'est ça qui vont certainement pas dans notre sens. Et enfin, je veux dire, actuellement, c'est les gens qui gouvernent, ils sont très convaincus, hein. Ils ont beaucoup de convictions. Et donc c'est ça qui me fait peur du coup, dans le côté faut que les gens soient convaincus, voilà, c'est un peu dangereux quoi, mais ouais. D'où les contrôles, etc. Alors là vous venez de mettre un pied dans la partie qu'on avait nommée éducation politique en fait, où on était, enfin nous, Oui, les gens, et on était partis sur arrêter la professionnalisation de la politique, pardon. Arrêter les grandes écoles, supprimer l'ENA, etc. etc. Et là, du coup, c'est un peu en contradiction avec, effectivement, cette espèce d'expert qu'on parlait tout à l'heure, d'expert de la politique. Alors, la grande question, c'est... est-ce qu'il faut ou pas ces espèces d'experts où, en fait, on l'est tous plus ou moins. Après, j'en sais rien, j'ai envie de dire, c'est en faisant des conneries qu'on apprend aussi. Et ouais, c'est pas évident, en fait, cette question. Moi, je pense que pour... c'est vrai que si tu amènes beaucoup de monde, en général, quand tu réunis un groupe de personnes, tu vas pouvoir quand même équilibrer à peu près le niveau des réflexions du groupe. Parce que quand tu es tout seul, il n'y a personne pour te dire « Ah, mais là, tu trouves pas ça un peu bizarre ?» Et du coup, c'est vrai que ça, c'est hyper important. Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir beaucoup de monde, un groupe de personnes qui décident ensemble de ces choses-là. Parce que forcément, quand tu es tout seul, il n'y a pas de gens derrière toi pour te dire « Oh là, tu pars un peu trop loin ». Dans un groupe, ça reste toujours... Si tu tires au hasard les gens, tu vas pas tomber que sur des extrémistes, quoi. C'est pas possible. À moins que le tirage au sort soit truqué, quoi. Ok. Alors, juste après, je te donne la parole. Du coup, moi, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser un peu au jury aux États-Unis. Et on voit souvent, en fait, que donc il y a 10 personnes qui sont censées être, entre guillemets, tirées au sort dans un jury. Mais en fait, on se rend compte que c'est déjà assez pipé. Et du coup, qu'il y a souvent une ou deux personnes qui, au bout d'un moment, vont tirer un peu le groupe, en fait. Et vont influencer les gens vers telle décision ou, au contraire, l'autre décision. Et finalement, en fait, c'est une espèce de lutte, entre guillemets, aussi de pouvoir. Donc voilà, c'était juste, ça me faisait penser à ça. Tout à l'heure, tu parlais d'experts, des experts de la politique, mais en fait, c'est pas ceux dont on a besoin. C'est pour ça qu'on avait parlé de supprimer l'ENA et les grandes écoles. Quand il s'agit d'écrire un texte législatif, c'est pas de politique qu'on a besoin, c'est de légistes, c'est de juridistes, c'est de juristes, et c'est de personnes comme ça. On n'a pas besoin de politique. C'est pour faire une réforme sur l'écologie, on a besoin d'écologistes. On a peut-être malheureusement besoin d'un industriel qui va pouvoir poser ses problèmes. On aura besoin de climatologues, etc. Mais on n'aura pas besoin de politique. Citoyen éclairé, je mets dans l'enceinte les mots qui tombent. Voilà, est-ce que par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a réaction? Ah, bonjour Pierre. Bonjour. Ça n'a qu'un rapport lointain avec ce qui vient d'être dit. Hier, j'ai fait un topo sur où il était question de fractal. Donc, quelqu'un d'entre vous, c'est monsieur qui m'a posé une question à laquelle j'ai à moitié répondu. Mais alors, maintenant, j'ai un topo sur les fractales qui j'y vois plus clair. C'est-à-dire que la fractale, excusez-moi, je sors du sujet, mais moi, pour moi, il n'y a pas de sujet. Alors, tous les sujets sont dans le même. Et donc, je continue. Si tu m'écoutes pas, je m'arrête. Donc, la fractale est une figure mathématique qui est obtenue par ordinateur. Ça ne peut pas s'obtenir avec des équations ordinaires, c'est-à-dire des équations analogiques. Ce sont c'est obtenu avec un programme informatique qu'on appelle algorithme. Et donc, ça signifie que la fractale a la particularité de pouvoir représenter en même temps un microsystème et un macrosystème. L'exemple donné, c'est le chou-fleur. Le bout de chou-fleur est identique au chou-fleur lui-même. Or, moi, ma théorie, parce que toi, tu as soulevé un problème auquel j'ai à moitié répondu, c'est que je dis oui, Nuit debout est une fractale. Maintenant, je le dis. Hier, j'ai hésité. Parce que c'est une fractale, parce que ce qu'on fabrique à Nuit debout, ça peut s'étendre au reste de la planète. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de télévisions qui sont venues se scotcher ici, pas la télévision française, parce que maintenant qu'ils ont compris, ils foutent le camp. Mais les Japonais qui n'ont pas tout compris, regardez, il y a une antenne là-bas. Je ne sais pas où est le caméraman qui marche avec le camion là-bas. Donc, attends, je t'ai piqué ta... Ah, mais si, t'en sais rien si c'est pour nous ou pas pour nous. Donc, je finis. Donc, ça veut dire, si tu veux, que l'exemple de la fractale, ça intéresse Nuit Debout, et Nuit Debout s'intéresse au fractal. Avec, ça veut dire quoi, la fractale? Ça veut dire que tu peux mettre en état mathématique ou algorithmique une situation. Or, moi, mon petit vélo, c'est Prigogine qui est un père de Morin. C'est pas le contraire, parce que tout le monde croit que Morin a inventé la théorie de ce qu'il raconte. C'est Prigogine. Et donc, si on peut mettre Nuit Debout en équation, ça fout la panique mondiale. Tu vois, parce que ça devient une intelligence mathématique en plus de la connerie poétique que nous représentons. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les gens qui m'ont posé le deuxième point, c'était sur la peinture. Et comme ils sont pas là, je réponds pas maintenant. J'attends qu'ils reviennent. Je sais pas où ils sont. Merci pour cette parenthèse hors sujet. T'aurais pu venir me voir en privé pour me le dire. Et c'est le chou de Romanesco, c'est pas le chou-fleur. C'est le chou de Romanesco qui montre exactement ce que c'est une fractale. Pierre, pas de dialogue à éducation populaire, tu le sais. Bah, je te l'apprends alors. Voilà, je vous laisse vous en discuter tranquillement quand vous voulez, autour d'un café ou d'un thé chaud. Hein. N'hésitez pas à vous servir d'ailleurs, s'il reste... on va reprendre le cours de notre atelier. Quelle société veut-on? Ah, je vois des... C'est très joli, des trucs rouges qui flottent au fond. Bref, on va essayer de se concentrer aujourd'hui, c'est un peu particulier. Vous l'aurez compris. Du coup, on parle de gouvernement et de société idéale. Donc, on parlait tout à l'heure des élites, mais qui seraient plus des hommes ou des femmes politiques, mais plus des gens qui connaissent vraiment les sujets, si c'est bien ça. C'était ce que nous disait Bruno. Voilà. Donc, moi, ça revient, hein, je pense, un peu à ce qu'on disait sur la non-professionnalisation de la politique, finalement. Je vais reprendre ce qui avait été noté dans le papier. Ouais, alors en fait, pourquoi on a parlé des grandes écoles, etc., etc., parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un lien qui se fait forcément dans ces écoles, en fait, entre les futurs grands chefs d'entreprise, chefs de médias, journalistes, etc., etc., et qu'on voit certains d'ailleurs font leur vie personnelle entre eux, et forcément il y a des connivences, et on a beaucoup d'exemples en tête. Et on avait vu un documentaire il y a 15 jours samedi sur ça d'ailleurs. On voyait les connivences entre tous ces milieux là et les cercles et les dîners qu'ils faisaient où se décidait un peu l'avenir entre guillemets du paysage français, si je puisse m'exprimer ainsi. Et c'était pour ça, en fait, on se dit, la réflexion, c'était, si on arrêtait ces écoles-là, finalement, il n'y aurait pas forcément ces connivences. Et finalement, l'indépendance que tout le monde devrait pouvoir garder, entre guillemets, serait plus facilement réalisable. Et arrêter ces espèces de castes et microcosmes, en fait, enfin, vraiment s'ouvrir. Et arrêter ces petits cercles fermés. C'était vraiment pour ça qu'on était parti sur, enfin que les gens étaient partis sur cette idée. Donc je sais pas si ça inspire des gens. Je sais qu'il y a des grands débats sur les grandes écoles françaises, sur leur utilité ou non ou pas, sur les universités, etc., etc. Ok. Bonjour tout le monde, moi je suis Kabyle, je viens d'Algérie, donc je parle un peu français. C'est juste, voilà, ce qui se passe ici en France, c'est vraiment triste. Et voilà, des innocents qui meurent, D'ailleurs, même l'Algérie a connu ça dans les années 90. Ils ont perdu plus de 250 000 personnes. Pourquoi ? Parce que c'est la politique, c'est ça. Et quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Ces terroristes-là, ces assassins, ces criminels, ils n'ont pas de religion. Ils ont de l'argent. Pour moi, j'ai une solution pour stopper tout ça, parce que nous, on a vécu ça dans les années 90. Il faut stopper le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais bon, ils ont beaucoup de milliards à donner. Et c'est économique. Il faut dire ça, il ne faut pas avoir peur. Et voilà, donc ces intégristes, même, ils ont même pas d'identité, c'est des criminels. Quand on a des milliards, on a le droit de tuer, on a le droit de faire ce qu'on veut, parce qu'on a de l'argent pour prendre des avocats, et on a le droit, voilà, de prendre des grands avocats, et voilà, même à 100 000 euros, à 1 million d'euros, et voilà. Donc moi je suis triste, je rends hommage à ces gens-là, à ces innocents qui sont morts, ils sont morts, ils n'ont rien fait de mal. Mais bon, c'est le mal, il vient d'où ? Il vient des grosses têtes. Des grosses têtes, c'est comme toujours. Nous, on a vu que ça dans les années 90. Donc, là, les Français, ils sont en train de vivre ça. Puis après, à l'époque, il n'y a personne. Et ils n'ont pas parlé de ça. Mais bon, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui tuent des gens. Mais ils ont de l'argent. On ne peut rien faire. Ils ont de pouvoir. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et on n'oublie pas toutes les victimes d'attentats. Et c'est pas la première fois qu'il y en a en France. Il y en a eu à Saint-Michel il y a quelques années. En 95, voilà, il y a eu aussi des victimes. Voilà. Donc forcément c'est un peu particulier ce jour-là, on est un petit peu entre deux. Nous on a pris position de rester sur cette place et d'essayer de parler d'autre chose, d'une société idéale. Et voilà, même si c'est pas forcément trop avec ce qui se passe à côté, mais encore, voilà. Et merci en tout cas pour ce témoignage. Oui, pour revenir justement sur la question des grandes écoles, en fait... Du coup, il n'y aurait pas besoin de grandes écoles aussi si déjà dès l'école il y avait une éducation politique où on apprenait dès le plus jeune âge aux enfants comment ça se passe les prises de décision en groupe, comment fonctionne le gouvernement, de quelle façon vous allez y participer un jour ou l'autre dans votre vie. Et après, il pourrait y avoir pour les personnes qui le souhaitent plus de des cours ouverts en fait à tout le monde, un petit peu comme fonctionnent les MOOC, mais voilà, qu'il n'y ait pas une école qui soit en plus en général payante, non pas forcément toutes, mais enfin qui soit basée vraiment sur des critères élitistes, ça il n'y en aurait pas besoin en fait, parce qu'on peut partir aussi de l'expérience à laquelle tout le monde aurait accès. Moi par rapport aux grandes écoles, je suis pas contre les grandes écoles en soi. Je pense que le fait qu'il y ait des dispositifs qui permettent de repérer les meilleurs élèves et de leur permettre d'aller le plus haut possible, en soi, c'est pas négatif. Le problème, c'est que dans ces grandes écoles, on retrouve essentiellement une reproduction sociale. Donc je pense qu'il faut déjà prendre en question ce point-là, faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale dans ces grandes écoles. Pourquoi pas une parité sociale? Et surtout que les meilleurs de ces élèves, par exemple les inspecteurs des finances, quand ils sortent de l'école, qu'ils soient au service de l'État et de l'intérêt général. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les meilleurs, les inspecteurs des finances, ils restent un petit peu pour l'État, puis après, ils partent dans le privé. Et ça, pour moi, c'est vraiment le problème fondamental. C'est-à-dire que dès lors que tu fais une grande école, tu dois, c'est une sorte, je vais pas dire d'engagement religieux, mais ça devrait presque être une sorte de sacralisation de l'intérêt général et de la République. Et donc, tu t'engages, comme on s'engage, au Vatican, enfin dans les religions, tu t'engages une sorte de sacrifice pour la République, pour l'État, pour l'intérêt général. Et donc, pourquoi pas imaginer un système qui fasse que les inspecteurs des finances, que les meilleurs des grandes écoles, restent, à vie dans des fonctions d'État. Enfin, voilà. C'est un peu le... Si je peux me permettre, c'est un petit peu le... Quand tu bosses, je crois que c'est à la sécurité sociale, tu es obligé de rester un certain nombre d'années dedans. Je sais plus combien c'est, hein, je dirais des bêtises, donc je vais dire aucun chiffre. Ouais, vraiment faire différemment alors. Parce que il y a ce côté ouverture existe. Il y a Sciences Po qui essaye de, pour parler d'une grande école qu'on n'a pas encore nommée, qui essaye de s'ouvrir. Je crois qu'ils étaient même allés à Clichy-sous-Bois dans le 93 à un moment donné. Mais c'est encore un. C'est très timide et on a plutôt. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti perso, hein, complètement là, et ça n'engage que moi. C'est plutôt l'impression que c'est plutôt de la com pour l'instant que vraiment. C'est une timide ouverture que vraiment une grosse ouverture. Et effectivement, on se retrouve souvent avec toujours les plus ou moins les mêmes personnes. Et souvent, des choses qu'on dit ici, c'est par exemple, bah, tu es fils de médecin, tu as beaucoup plus de chances d'être médecin ou de faire des grandes écoles que quand tu es fils de, je sais pas, de boucher ou de femme de ménage ou des boueurs ou peu importe. Et je sais que pour avoir voilà ma sœur qui bossait à Goussainville, qui se battait avec les parents d'élèves pour leur dire, bah, vos enfants, ils ont les moyens de faire autre chose que travailler à l'aéroport. Et voilà, des choses dans lesquelles on a déjà beaucoup parlé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour moi, les grandes écoles, c'est le haut du panier et c'est ouais. D'accord, pas de souci. Ouais. D'accord. C'est enregistré. Après, voilà, donc 2, 3, 4 siècles même après la création de l'école, ça n'a toujours pas abouti pour l'objectif principal, l'objectif noble de l'école, il n'a jamais été atteint, puisque depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, il y a quelques réussites, mais c'est minime. Mais l'idée de l'école, elle est faussée. Si tu suis la logique de Bourdieu, en tout cas, moi, je la suis. Okay. Il veut pas. Alors, je vais reprendre parce que du coup, ça va faire un gros blanc sur l'enregistrement, je suis désolé. Mais ok, tu parlais du système éducatif, ouais. Ok, c'est pas que les grandes écoles, en fait. Ok. C'est basé sur des statistiques. Ouais. Je t'encourage à aller, je l'ai pas encore dit aujourd'hui, et tu me tends une perche sur notre site du popdebout.org. Et en fait, on a parlé d'enseignement et tout est enregistré. Donc, si tu as une ou deux heures à tuer chez toi ou même en allant au boulot, d'écouter, il y a plein de choses qui ont été dites et je pense qu'il y a plein de choses dont tu vas retrouver ce que tu viens de nous dire un petit peu en aparté. Et je comprends pour le micro, il n'y a pas de souci. Mais on est entièrement en tout cas d'accord. Voilà. Bruno ? Ouais, il y a quelqu'un tout à l'heure qui avait parlé de quelqu'un qui sort d'une grande école, ça ne le dérange pas, mais il doit s'engager au service de l'État comme un sacerdoce. Et là, moi, je coince parce qu'en fait, c'est recréer une élite directement. Et en plus, cette personne qui s'engage par sacerdoce au service de l'État, ben, du coup, elle se coupe du reste de la réalité de la population et du pays. Et c'est pour ça que je suis assez contre la professionnalisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit être élu pour un mandat parce qu'il a quelque chose à faire, plutôt d'ailleurs pour un programme à réaliser, c'est très bien, mais au bout de ce programme, il serait bien qu'il, on va dire, retourne auprès du reste de la population pour reprendre contact avec elle, pour mieux comprendre aussi les mécanismes. Hop là. Les élèves qui sortent des grandes écoles, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour être des hauts fonctionnaires. Donc c'est pas pour moi, ceux qui sortent des grandes écoles, c'est pour occuper des fonctions de la haute fonction publique. C'est pas pour faire de la politique. Moi, je voyais ça comme ça, si tu veux. Pour moi, c'est l'idée que l'État, la République, est-ce qu'elle doit attirer vers elle les meilleures compétences qu'il y a parmi les citoyens ? Ou est-ce que ces meilleures compétences doivent partir à Wall Street, ou à la bourse, ou dans la finance ? Ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les meilleurs élèves, ils vont travailler dans la finance. Parce qu'il y a... Alors effectivement, bon, en tout cas, moi, dans le sens, c'est que l'intérêt général, les fonctions qui défendent l'intérêt général doivent attirer pour moi les meilleurs élèves. Voilà, les plus compétents, les meilleurs en maths, en physique, en chimie, en histoire, dans tous les domaines quels qu'ils soient. Et après, effectivement, qui s'engagent de faire, comme tu l'as dit, c'est un sacerdoce. Pour moi, ce serait l'idéal qu'on ait vraiment des gens qui s'engage pour l'intérêt général. Mais dans la société idéale, pour moi, je ne vois pas où est le problème, en fait. Oui, monsieur qui ne veut pas prendre le micro là, à ma gauche, là, je ne vois pas pourquoi, parce que si vous n'êtes pas dans le micro, vous n'êtes pas enregistré. Donc après... Ben oui, mais ici, on est organisé, il faut croire, faut pas croire qu'on est chez les... ailleurs quoi. Moi je voudrais dire qui c'est qui a dit que oui il m'écoute pas là. Attends, quand il écoutera il a dit que les gens des grandes écoles ils s'engageaient pas en politique. Moi j'étais en prépa à Bordeaux en maths sup et en spé et un de l'élite dont vous parlez, c'est lui qui a cassé Usinor. Il est toujours au ministère de l'économie, il sévit toujours hein, et il sort d'une grande école, je sais plus laquelle, je me rappelle plus. Mais les meilleurs élèves recrutés par la préparation aux grandes écoles, c'est les meilleurs élèves pour le système. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de déborder. C'est-à-dire, un type qui est bon en maths, il est bon dans le système grandes écoles pour intégrer X ou autre chose, mais il serait aussi bon sur la place de la République à Nuit Debout. Alors, il y a certaines matières qui passent partout, et puis d'autres, par exemple, la philo, la préparation des grandes écoles, c'est à pleurer. Enfin, c'était à pleurer du temps de mon temps. Et pour ce qui est des beaux-arts, c'était triste. Parce que il y a certains profs qui se suicidaient. Tellement les élèves étaient marrants. Il y en a qui se sont flingués. J'en ai connu. Malheureusement, ça existe toujours, hein, des profs qui se suicident. Ok, bah sujet passionnant. Je sais pas si on arrivera à se mettre d'accord. C'est même pas le but d'ailleurs. C'est bien d'avoir des contradictions. C'est ça qui apporte le débat et le dialogue. Donc, si quelqu'un a un avis sur les grandes écoles, utile ou pas utile, qu'est-ce que ça fait derrière, ou est-ce qu'on part sur un autre sujet avant de s'envoler ? Tu veux reprendre la parole ? Ok. Non mais c'est un point crucial, si vous voulez, le système a besoin d'une élite, la société n'a pas totalement besoin de cette élite, parce que cette élite, elle joue, elle est en général bien payée par le gouvernement, et par le système, c'est pas le gouvernement, c'est le système. Donc ils veulent pas changer de vie ni de pratique, donc ils s'occupent pas de la société, ils s'occupent de remplir leur caisse. Très souvent, mais ils ont un impact social énorme, puisque c'est eux qui gèrent ils gèrent l'économie, ils gèrent tout, les transports, le temps qu'il fait, ou qu'il fait pas, etc. Donc le problème, c'est de générer une nouvelle élite. Et donc la nouvelle élite, c'est Nuit Debout, mais on veut pas être élite. Donc moi j'ai discuté avec Guingouin, qui était chef de maquis Limousin, je lui ai dit, vous avez créé une nouvelle élite? Il me dit oui, pour la bataille, mais après on voulait plus être au gouvernement. Donc Guingouin, il est resté maire de Limoges 2 ans, après il a changé de métier, il est devenu instituteur. Donc dans une société idéale, donc il n'y a pas d'élite, ou alors une élite différente. Ok. Ouais, on l'avait plus ou moins dit. On n'avait pas employé le mot élite, je crois que c'est la première fois qu'on entend parler, enfin qu'on parle du mot élite, mais peu importe. Ok, très bien. Ouais, très vite fait, très simple, mais bon, déjà, pour te rejoindre, oui, l'école est cassée, on l'a déjà dit plusieurs fois ici. L'école est cassée, j'ai dit, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, plus d'une fois, beaucoup. Donc, ouais, il y a de quoi dire. Juste, non, bah, comme on parle en fait d'éducation politique, c'était un peu ça qu'on a dit au début. Et, quand on dit souvent qu'on voudrait que ce soit les citoyens qui gouvernent et tout ça, qui dirigent, qui décident, mais sauf que du coup, les citoyens, ces citoyens-là, il faudrait qu'ils soient formés à ces, du coup, à ces peut-être pas aux mêmes écoles, mais en tout cas à ces techniques. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils apprennent à la Sciences Po, mais bon, apparemment, ils apprennent des choses utiles. Mais du coup, si on veut demain s'accaparer ça, on est bien obligé de savoir, c'est savoir. Donc pour moi en fait c'est soit tout le monde arrête de faire Sciences Po, soit on fait tous Sciences Po. En fait c'est un peu ça quoi. Sans, évidemment pas Sciences Po, mais j'espère que vous avez compris. Du coup par je sais par quel biais, en tout cas on est obligé d'avoir une culture voilà, oui, éducation populaire. Bon, voilà. Du coup je vais pas le dire parce que voilà. Voilà. Mais nous on n'ose pas le dire parce qu'après on va croire qu'on fait notre pub et ouais. Et on est pour que tout le monde fasse ce qu'on est en train de faire sur toutes les places de France. Et n'hésitez pas, parce que vous voyez, avec trois cordes et un micro, et on peut le faire. Hein, parce que nous, on est des citoyens comme des autres. Et je crois pas qu'on ait fait des grandes écoles, tous. En tout cas, pas moi. Mais non, du coup, très intéressant, effectivement, ce débat-là. Oui. L'école dans son sens large. Mais là, faut que tu parles au micro. Hein. T'es obligé. Si tu veux parler d'un projet, faut que tu parles au micro parce que ça peut être super intéressant. Il faut que tout le monde en profite. Mais tu peux. Hein, regarde, moi, j'y arrive. Y a pas de souci. Bah, y a pas pour ça. Par exemple, il y a des gens, des spécialistes de l'éducation, par exemple. Ils ont lancé des nouveaux programmes éducatifs, mais qui ne sont pas reconnus par l'État. D'ailleurs, ils en ont montré un à la télé il n'y a pas longtemps. Ils ne reconnaissent pas ils reconnaissent pas leur technique, parce que voilà, c'est une pédagogie, disons, informelle. Donc, ils ne la reconnaissent pas. Il y a des écoles, par exemple, ce qu'on appelle les écoles asexuées. C'est des programmes de crèche. Il en existe trois, je crois, ici sur Paris, parce qu'à une certaine époque, j'étudiais un peu le phénomène, j'ai fait des études de sociologie, donc j'ai touché un peu à ça. C'est des crèches, il existe normalement trois ici sur Paris, où on ne fait pas de genre par exemple, il n'y a pas de genre à l'école. Où on donne, même pour les jouets, là, pour les gamins, on donne genre, pour les petites filles, on leur donne des marteaux, des scies, des scières métaux, des trucs comme ça. Et aux petits garçons, on apprend à changer les couches. Les couleurs, par exemple, pareil, il n'y a pas de couleur fille-garçon, c'est ça. Normalement, voilà. En fait, moi, je le considère comme solution, pareil, là, en grandes écoles. Moi, je reconnais pas le concept de grandes écoles, petites écoles. Normalement, c'est l'école et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de grande école. C'est les gens, c'est nous, c'est la société, c'est l'élite, c'est le système qui donne ce truc, je ne sais pas comment l'appeler, privilège de grandes écoles. Mais sinon, c'est quoi grandes écoles? Par rapport à quoi grandes? Parce que généralement, voilà, si on arrive là-bas, c'est que soit on est, moi j'y crois de toute façon, à l'idée où si on atterrit là-bas, c'est que on est du système, on est à l'intérieur du système. Parce qu'il y a des gens dans le système, il y a des gens hors système. Les gens hors système, comme je te l'avais dit tout à l'heure, voilà, l'école, de toute façon, il y a des études en sociologie qui montrent, notamment la première, celle de Pierre Bourdieu, c'est lui qui a dit que voilà, l'école, en tout cas le système éducatif français depuis X temps, il ne fait que reproduire les inégalités sociales. Il a fait des études statistiques, il a fait tout un tas d'études où il a prouvé par des statistiques que les gens justement qui ont suivi certaines spécialités, certains parcours, ils sont soit médecins, comme l'a dit tout à l'heure, soit médecins, soit fils de médecins, ou voilà. Mais les fils, par exemple, aussi, il a traité la question de l'immigration, parce qu'il a aussi traité la question de l'immigration. Pareil, ils n'ont pas percé dans le truc, parce que ça n'a servi que à reproduire l'inégalité dont ils sont issus, quoi. Voilà. Si il y a un projet, là, en ce moment aussi, c'est la Finlande qui le propose. Ils ont supprimé les matières. Il n'y a plus d'études de matière. Voilà. Il n'y a plus d'études de matière. ils ont proposé un autre système, il n'est pas encore mis en place, mais il sera mis en place de 2017 à 2022, il sera en phase test, c'est qu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de géographie, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de rien. Ils étudient les phénomènes sous différents angles. Ils prennent par exemple la Deuxième Guerre mondiale, pour citer un exemple, Deuxième Guerre mondiale, eh ben, ils étudient tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est physique, tout ce qui est truc dedans. Géographie, mathématiques. De ce fait, il n'y a pas de sélection. Parce que ceux qui ont critiqué le système éducatif, notamment français et européen, on est toujours basé sur la notation. Et de ce fait, on casse les élèves, les petits, on les casse. Si on les note, bah, pareil, le système asiatique, pareil, il n'y a plus de notation. Donc c'est une manière, de pousser les gens à la réussite, pas prouver la réussite, parce que les grandes écoles, c'est prouver la réussite. Voilà, c'est prouver la réussite. Alors que l'objectif, c'est de... Non, c'est pas ça. Si Pierre Bourdieu, il a étudié le fait que pourquoi certains réussissent et d'autres pas. Est-ce que les autres, ils sont plus bêtes? Est-ce qu'il y a plus intelligents? Non. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous un même point de départ. On est tous issus d'un milieu, par exemple, lui, il est sociologue, donc il a pris le milieu social. Il a parlé d'un truc qui s'appelle le capital culturel. C'est pareil comme le capital économique, les gens qui ont de l'argent. Il y a des gens, ils ont un capital culturel parce qu'ils sont fils d'ouvriers. Ils ne connaissent pas les beaux-arts, les mathématiques, tout ce qui est abstrait et tout. Donc, si on les place sur le même point de départ, ils ne vont pas percer dans les trucs. Ils ne vont pas percer dans ce genre d'études. Automatiquement... on va les diriger vers des BEP, je sais pas quoi, maçonnerie ou voilà. C'est ça là. Voilà. Donc le système, il a échoué au final, non? Voilà. Donc c'est ça. Enfin voilà. Il faut vraiment que tu écoutes ce qu'on a fait, le travail sur l'éducation. Je pense que ce que tu es en train de dire là, avec d'autres mots, on l'a dit et voilà, c'est super intéressant. Mais tu vois, tu as pris la parole, tout va bien, regarde, tout se passe bien, il pleut même plus, on est bien, il fait même plus froid là tout d'un coup. Enfin, ou pas. Ah, ok. C'est toujours dans le même sens. En fait, il y a un master qui a été lancé à l'université de Saint-Denis, à Paris 8, c'est là-bas que j'ai fait mes études de sociologie. En fait, il s'intéresse à l'éducation informelle. C'est ça la clé de la réussite, enfin l'une des clés de réussite, disons, qui va dans le même sens de l'éducation populaire. On s'intéresse à l'éducation informelle, pas l'éducation que propose le système, du moment qu'on a dit qu'il est quelque part il est foutu. On ne crée pas l'élite, justement. Il n'y a pas de création. On ne fait que reproduire. On est toujours dans le système de reproduction. Moi, j'ai fait un M2 et là, je suis toujours agent de sécurité, tu vois. Donc, c'est la reproduction. On est toujours dans la reproduction. Mais là, l'idée du master qui a été lancée, ça fait 2 ans, il existe que à Paris 8. On s'intéresse à l'éducation informelle. Voilà. Tout ce qui est hors système, justement. Voilà, c'est tout. Merci. Décidément, il se passe plein de trucs à cette université. T'es pas le seul à nous en parler. Ouais, tout à fait. Et ça vient de Versailles, enfin bref, ça c'est aussi un truc qu'on en a parlé, il faut absolument que t'écoutes. Ouais, par rapport aux grandes écoles, il faudrait aussi se poser la question, à quoi servent les grandes écoles? Parce que dans la société idéale, je vois deux hypothèses, soit on fait table rase du passé, on dit le système, faut détruire le système, faut plus de grandes écoles, etc. Et à ce moment-là, par quoi tu remplaces la structure? Ou alors, moi je pense au contraire qu'il faut garder le système et l'améliorer. Parce que les grandes écoles, par exemple, si demain il n'y a plus de grandes écoles, donc, qui va former les généraux? Qui va former les hauts fonctionnaires? Qui va... Voilà, donc, c'est ça la question. Qui va former les professeurs d'université? Qui va former les grands historiens, etc., etc., etc. Et donc, la complexité. C'est-à-dire que dans un petit village, t'as pas besoin de grandes écoles. Mais dans un pays comme la France, avec la complexité administrative et complète qu'il y a, t'as besoin de... Il faut des grandes écoles. Il faut... Donc, la question que je te pose, c'est, tu veux enlever les grandes écoles, mais qu'est-ce que tu mets à la place? Comment tu formes les généraux? Comment tu formes les diplomates, etc., etc. Dans quelle structure? Tu prends l'exemple de Pierre Bourdieu, mais Pierre Bourdieu, il a fait des grandes écoles. Il a enseigné au Collège de France. Donc on voit que les grandes écoles peuvent servir à éclairer. Toi-même, tu fais une grande école. Donc moi, je pense pas qu'il faut rejeter les grandes écoles en soi, mais il faut essayer de les améliorer, de les faire aller dans un sens meilleur. Ou alors, si on veut les supprimer, dire par quoi on va les remplacer. Je pense que c'est important. Par contre, moi, tu me fais peur avec tes généraux. Là. Dans la société idéale, il n'y a pas de la guerre, en fait. C'est un clin d'œil, hein, je précise. Comme tu veux. Je veux aussi rappeler qu'en fait, les grandes écoles, je pense, faut les garder. Parce que aussi, il faut penser que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être dans l'administration, tout le monde ne peut pas faire tous les métiers. On a chaque personne a ses capacités au niveau mental, psychologique. Donc après, le truc qui serait bien, c'est qu'on mette tout le monde, dès la jeunesse, tout le monde au même niveau. Et qu'après, on essaie que tout le monde porte une éducation uniforme. Et qu'on, comment dire, que chaque personne pourra penser qu'il y a... Moi, par exemple, je suis hyperactif. Je sais que mon hyperactivité, le système scolaire, il n'est pas fait pour moi. Pas pour une personne comme moi. Donc après, il faut aussi qu'on construise peut-être plus d'écoles aussi pour des gens qui ont des problèmes mentaux, etc. Pour qu'on puisse les mettre au même niveau que les autres. Et après, quand ils sont au même niveau que les autres, on regarde leur capacité mentale, etc. Pour savoir dans quoi ils sont faits et dans quoi ils aiment. Si, voilà, après, chaque personne n'est pas fait pour être médecin, chaque personne n'est pas fait pour être conducteur de bus, etc. Aussi, il faut aussi penser à cette façon-là, je pense. Exclure personne. C'est juste, en fait, on avait vraiment développé ce point-là pendant 3 séances pendant l'atelier, et là, en fait, on est en train de repartir dessus. Donc, c'est pas parce que... C'est pas, enfin... C'est juste qu'en fait, sinon, on va jamais traiter le gouvernement si on repart sur les sujets qu'on a déjà traités et que, du coup, par rapport, juste pour dire très rapidement ce qu'on avait pu dire sur la question des écoles, etc., c'était que déjà on supprimait les diplômes. Donc, comme il n'y avait pas de diplôme, du coup, l'école devenait un lieu d'échange culturel et de partage des savoirs. Donc c'est déjà, on n'allait pas à l'école pour avoir un diplôme, on allait à l'école justement pour apprendre à vivre avec les autres, pour les transmissions du coup c'était pas transmission, ce serait plutôt partage des connaissances, donc il n'y a pas de professeur non plus tout à fait comme c'est maintenant, mais donc avec aussi voilà de l'éducation populaire, mais dans le sens où en fait tous les cours sont ouverts à tous. Demain tu veux aller à un cours de sciences politiques parce qu'il y a quelqu'un qui vient quand même de notre société maintenant, donc ou alors qui a lu pas mal d'auteurs ou qui écrit là-dessus parce que ça l'intéresse, et il dit bah tiens voilà je vais partager ce savoir-là avec d'autres, hop, et il y en a d'autres qui peuvent aller à ce cours-là parce qu'on sait qu'il y a ce cours-là qui existe, et en même temps dans ce cours-là il y a des personnes qui vont intervenir et qui vont dire oui mais là du coup je suis pas d'accord, hop, et puis ils vont aller déplacer ça vers d'autres. C'est, en fait ce serait des déplacements perpétuels de savoir et donc un petit peu voilà ce qu'on avait pu dire là-dessus, mais peut-être qu'on repart sur le gouvernement maintenant. Alors, ok, je déplie ma feuille. Oula, il y a une grosse question qui était à la fin, sur la séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Comment faire ? On a abordé déjà ce sujet-là, mais effectivement, on a parlé jusqu'à présent des liens avec, on va dire, avec les médias, avec les entreprises, etc. Mais effectivement, les liens avec le pouvoir judiciaire. L'idée qu'on avait notée dedans, c'était, il n'y avait qu'une seule idée, bizarrement, c'était délimiter le champ du marchandage et le champ du sacré. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, très honnêtement. Si tu veux développer l'idée, mais c'est vrai que voilà, le pouvoir judiciaire et l'État, ça. Oui, c'est juste développer, délimiter le marchandage et le sacré, c'était pour dire que voilà, il y avait des points sur lesquels, des points par exemple dans la Constitution sur lesquels on touchait pas, et il y avait des points par exemple économiques ou autres sur lesquels pouvait y avoir justement des évolutions et des choses qui pouvaient bouger. Donc c'était poser des espèces de points symboliques qui n'allaient pas changer, quoi. C'était ça le sacré. Ok. Alors le lien entre la justice et l'État. Forcément, il y a aussi un côté transparence et indépendance, parce que finalement, on voit que ce lien est très souvent, enfin, en tout cas, les bornes sont très souvent dépassées. Enfin, on parle de justice à deux vitesses, que pour certaines personnes, bizarrement, on a des comparutions immédiates, et pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Je développerai après. Quelqu'un veut parler? J'avais oublié, excusez-moi, j'avais oublié Pierre, c'est de ma faute. Oui, merci d'avoir oublié. Alors moi je voulais répondre, comment former les généraux? Il faut venir à Nuit Debout. Tu permets, tu prends le micro. Donc, pour le combat de rue, c'est terminé parce que ça a duré jusqu'à fin juillet. Et ensuite, oui, alors le combat de rue terminé. Et que d'autre part, dans la société qu'on veut, il n'y a plus de guerre, donc il n'y a plus de généraux. Donc, ils sont vite formés, il n'y en a plus. Mais moi, je l'ai dit avant, tu ne m'as pas donné la parole. Hein. Est-ce que je t'ai anticipé, Pierre ? Pierre, on devrait faire des sketchs avec Catherine et Liliane ensemble. Ça t'intéresse ? Alors les généraux peuvent surtout servir à nous défendre, pas forcément à attaquer, mais bon, un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence, là pour le coup je pense qu'on a, on berce un peu dans l'utopie, mais en tout cas je la partage. Pour revenir à la distinction du sacré et du marché, moi j'avais avancé l'idée justement de dire par exemple qu'est-ce qui est sacré dans la société, en dehors de la question religieuse, parce qu'aujourd'hui quand on parle du sacré c'est souvent la question religieuse qui revient. Et donc moi je proposais un nouveau sacré, c'est-à-dire maintenant ce qu'est ça, enfin, sans pour autant nier le religieux, hein, mais dire par exemple que l'eau est sacrée, que la terre est sacrée par exemple, et que l'eau par exemple, la qualité de l'eau ou l'accès à l'eau devient quelque chose de sacré, qui ne relève pas du marché, qui ne peut pas être privatisé par des entités. Ou par exemple que la dignité humaine est sacrée, par exemple qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des SDF dehors, que chaque humain doit avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se soigner, etc. Et que les biens fondamentaux soient sacrés. Que dans la Constitution, il y ait une obligation de l'État de mettre la puissance publique, les moyens technologiques pour permettre à ce qu'aucun humain ne soit, SDF ou dans la misère. Aujourd'hui, on a des gens qui sont SDF, qui sont dans la misère, et l'État... il y a une sorte de légitimation de l'État de cette misère-là, parce qu'on va dire « ces personnes-là ne travaillent pas ». Donc comme elles ne travaillent pas, il est légitime qu'elles soient SDF, alors même qu'il y a une pénurie de travail. Donc là, il y a un problème. Donc je pense qu'il faut repenser tout ça et remettre l'humain au centre du sacré et de déclarer que désormais, tout ça n'est plus acceptable. Ok, idée très intéressante. Alors par contre, il y a des SDF qui travaillent, juste pour la petite rectification, ça arrive aussi. Voilà, il y en a quelques-uns. Du coup, est-ce que la justice serait sacrée ? Je reviens sur mon truc de justice. Hein. Est-ce que pour toi, la justice, c'est quelque chose qui est sacré, qui est au même titre que l'eau ou pas ? C'est une question, hein, que je pose comme ça. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, hein, mais moi-même, j'ai pas forcément la réponse. La justice d'une société idéale, peut-être. La justice actuelle, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si elle est vraiment impartiale comme elle devrait l'être, pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Mais il faudrait qu'elle soit vraiment indépendante. Et il faut vraiment la décloisonner de tout ce qui la pollue. Et on a trop d'exemples en tête, chacun et chacune, avec nos différences d'âge et à différentes moments donnés où on a vu que la justice marchait pas et vraiment très très lente et lourde. Et encore une fois, ça dépend des personnes aussi, et c'est ça qui est un peu compliqué. Seb. Ouais, j'ai rebondir vite fait parce que je viens de penser à un truc. T'as parlé de travail, je suis d'accord. Bon, dans la rue, t'as pas mal de personnes qui travaillent. Mais derrière, tu vois, quand tu demandes à un propriétaire directement ce que pour pouvoir prendre le logement directement et d'aller tranquillement, gentiment aller bosser, ben on te dit que tout simplement il te faut un mois de loyer, un mois de caution et bien sûr quelqu'un qui peut t'assurer si tu n'es pas capable de payer. Il se passe que faudrait pas changer par rapport au travail d'abord, mais d'abord faudrait penser à faire changer ces propriétaires qui pensent simplement à l'argent. Parce qu'il y a une loi qui est passée, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, où il y a une loi qui était passée comme quoi que tout simplement tu devais rentrer au bout, tu pouvais rentrer dans un logement en ayant payé simplement un loyer. C'est-à-dire que dès que tu as payé ton loyer, tu es chez toi. Et comme par hasard, on continue dans la loi d'avant, que cette loi n'est pas encore respectée, et pourtant ça fait quand même plus de 5 ans qu'elle a été votée au Sénat, et à ce temps-ci, on compte encore à pouvoir dire il faut un mois de loyer, il faut une caution, il faut des garants, il faut ceci, il faut cela. Ou même pour des étudiants qui recherchent en urgence, sont obligés d'aller voir dans les agences immobilières, payer une fiche pour avoir juste une liste d'une quinzaine de logements pour le prix de 380 euros, et ça dure pendant 3-4 mois, voire 6 mois, voire un an. Et à la fin du compte, on veut compter qu'il y a encore des personnes à la rue. Bah oui, parce qu'il y a des étudiants qui viennent, qui connaissent pas la ville et qui n'ont rien. Les parents ne peuvent pas assumer derrière parce qu'ils n'ont pas le taux qu'ils peuvent avoir par rapport à l'aide pour un enfant. Et tout simplement, bah derrière, bah l'étudiant qui va venir sur Paris ou n'importe quelle ville va devoir soit commencer à travailler chez McDo, Quick ou un truc comme ça, ou sinon on peut aller dans l'extrême, bien sûr, en tant que prostituée. Et ça, c'est grave, ça arrive très très souvent dans les gens, chez les étudiants. Et c'est pour ça qu'on devrait d'abord changer une société par rapport au taux évalué par les logements. Mais là, tu nous montres encore un exemple de justice qui ne fonctionne pas. Justement, en écoutant ce qui vient d'être dit, je reprends un peu à ta question que tu as posée, est-ce que la justice est sacrée ? Moi, je dis non, c'est pas la justice qui est sacrée. Ce qui doit être sacré, c'est les êtres humains. Enfin, on pourrait étendre, hein, la nature, le vivant, etc. C'est ça qui est sacré. La justice, les lois, ce sont des mots. C'est des concepts, c'est des abstractions, c'est des articles, c'est des numéros. C'est pas ça qui est sacré. Donc, au-dessus de tout ça, faut mettre des valeurs transcendantes, sacrées. De dire que voilà, il peut pas y avoir de loi, comme il vient de dire, qui bloque l'accès au couvert ou au logis. C'est pas possible. Et tout ça, c'est légitimé par l'État, par le modèle dans lequel on est. Il légitime ça. Il va dire, mais il y a des SDF, mais c'est légal. Il n'est pas illégal aujourd'hui que l'État laisse des SDF dehors. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Ou même s'il y en a, elles ne sont pas appliquées. Donc là, c'est pour ça que je dis que faut le sacré, c'est dans ce sens-là que je... Ok. C'est pas des... Bref. On va essayer de garder le fil aujourd'hui encore, un peu particulier. Donc, atelier debout, éducation populaire. Voilà, on voulait être présent aujourd'hui avec notre atelier. Quelle société veut-on ? Du coup, on parle de gouvernement. Et là, on parlait effectivement du lien entre la justice et le gouvernement. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut développer un petit peu plus ce sujet-là. Hein ? On fera une partie justice, me dit-on. Effectivement, merci. Merci, merci. Où on reviendra ? Oui. Juste, qu'est-ce que vous définissez la justice en fait ? Parce que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est là qu'en fait on a un problème. Vous m'avez pas entendu ? Si. Ok, qu'est-ce que vous appelez la justice ? Parce que, à moins de faire un grand référendum en votant qu'est-ce qu'est la justice, la définissant, et savoir, parce qu'on n'a pas tous la même notion de la justice, tout n'est pas blanc ou noir, ce que je vais voir juste, quelqu'un va le voir de manière injuste en fait. Donc à quel moment on se rejoint ? Bah, du coup, par rapport à ce qui a été dit sur le sacré, je dirais la définition de la justice, c'est de défendre le sacré. Donc quand on a défini ce qui était le sacré, la fonction de la justice, c'est de le défendre. La fonction du gouvernement, c'est de faire en sorte de le préserver et de le maintenir. Voilà. Et la fonction de la justice, c'est de le défendre. Alors, le sacré, du coup, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, par exemple, ça peut être l'eau, ça peut être... donc, voilà, comme il disait, il y a l'eau, il y a l'accès, enfin... Je sais plus ce qu'il avait dit. Enfin oui, la nature, enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, qu'on doit préserver et qui maintenant dépendent de nous, en plus, pour être préservées. Donc, voilà, ce serait toutes ces choses-là. Et donc, mais aussi, je pense, le corps aussi, enfin le corps humain, voilà, et donc à partir du moment où ces choses-là sont attaquées, c'est à la justice du coup de répondre parce qu'elle doit le défendre, ce sacré. Et du coup, je sais pas si on continue sur la justice. Non, juste sur la justice, mais je sais plus, ça me rappelle juste quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un d'ici hier qui a dit ça, mais je me rappelle plus en fait, enfin qui disait qu'il fallait lutter contre le sentiment d'injustice du coup. Parce que justement la justice n'était pas la même pour tous et que du coup c'est peut-être plus facile de lutter contre le sentiment d'injustice. Moi je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui a été dit hier, je sais plus dans quel cadre, mais voilà. Donc peut-être pourquoi pas essayer de plus lutter contre les sentiments d'injustice que d'essayer de rendre la justice, parce que c'est difficile à définir pour tout le monde. Ouais. Voilà. Alors je reprends mes petites fiches. Finalement on reproduit les mêmes trucs qu'à la télé, c'est horrible. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé encore sur tout ce qu'on avait noté, c'est les assemblées participatives au niveau des communes. On avait noté l'idée d'un budget participatif, donc là on est vraiment au niveau des communes, hein. Donc c'est le gouvernement, mais on va dire local, Toutes les décisions budgétaires par secteur sont soumises à un vote citoyen et les dépenses sont transparentes. On avait parlé de création de mairies communautaires, où chacun et chacune s'investit dans des projets en fonction de son temps, de ses moyens et de ce qui l'intéresse. On se pose la question si c'est possible de le faire au niveau national. Toujours la question du budget, est-ce que ça vient du national ou est-ce que, en gros, est-ce que ça vient d'en haut ou est-ce que ça vient d'en bas, si je peux résumer à peu près. Le bas serait des pots communs en fonction des projets votés, et en haut, en gros, ça serait je sais pas quelle forme, si c'est ministère, si c'est un gouvernement, enfin peu importe, mais qui redistribuait dans l'autre sens. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on avait développé, ce qu'on nous avait dit à travers de nombreux exemples, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'initiatives locales en France et dans d'autres pays, et en fait, que ces initiatives locales pousseraient en fait à les initiatives entre guillemets nationales qui sont tout au-dessus. Donc pareil, voilà, si vous avez des partages d'expérience sur des choses que vous faites ou que vous connaissez au niveau local et qui fonctionnent. Une idée sur une mairie communautaire, enfin, moi j'aime bien l'idée en tout cas. Voilà, comment on peut faire tout ça, je sais pas si ça vous inspire quelque chose ou pas. Non pas vraiment. Tout est dit. Ah si, il y a toujours quelqu'un qui est inspiré sur cette place. Non, ici tout le monde sait que Nuit Debout est une commune, hein. Donc moi je... Ce que je raconte, c'est la vie de la commune. Alors, dans moi, ce que je vois à côté, là, il y a commémoration. Donc, il nous semble qu'il faudrait dire un mot, parce que la commission EducPop, c'est la seule qui subsiste. Et donc, c'est le seul endroit où la parole Nuit Debout s'exerce régulièrement. C'est pas que les autres sont morts, mais ils sont en vacances. Mais non, je voulais dire qu'il y a commémoration, donc il me semble qu'au micro, il faut vous en avez déjà parlé. Et donc, parce que pour les absents qui n'étaient pas là ou les gens qui ne sont pas au courant, Nuit Debout et doit sa naissance aussi un tout petit peu à ce qui est arrivé à l'occasion de l'événement dont on célèbre la commémoration aujourd'hui, non ? Me semble, je sais pas. Alors, pour repréciser ceux qui n'étaient pas avec nous, on a fait une minute de silence à 15h juste avant l'atelier. En tout cas, moi j'ai eu quelques mots par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, justement, j'avais pas de mots, mais j'ai essayé d'en dire. Et c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure et que des fois je suis un peu dans des blancs parce que je vois ce qui se passe un peu autour de moi. Et repréciser que c'était important pour nous d'être ici ce jour sur la place, malgré tout ce qui s'y passe, et que c'est important pour nous de continuer à ce qu'on fait depuis le 31 mars sur cette place, et malgré tout ce qui s'est passé, on est toujours là, on est toujours debout, on discute toujours de choses, et finalement, dans quelle société veut-on avec ce qui s'est passé, effectivement, je serais pas si catégorique que toi sur le fait de ce qui s'est passé à fonder Nuit Debout, j'en sais rien, je sais pas vraiment ce qui a fondé Nuit Debout, enfin, c'était une initiative, je pense que c'est une accumulation de choses qui ont eu lieu là depuis 1 ou 2 ans, qui ont fait que, effectivement. Et moi, je l'ai surtout vu dans ce besoin des gens de prendre la parole. Et c'était très très important, et je pense qu'il y a eu cette accumulation. Et au bout d'un moment, les gens ont eu besoin de parler et ont trouvé ça, en tout cas, à Nuit Debout. Et j'espère le trouveront encore le plus longtemps possible. Du coup, sur le gouvernement, on a un peu fait le tour, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait une parole libre? Voilà, madame veut parler. Alors, il y a pas de souci. Si tu veux lire un texte, je pense qu'on va clôturer l'atelier. Voilà, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce jour, voilà. Si tu voulais dire quelque chose ? Eh ben voilà. Ah.